100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne, la coloc. Yeah. Yes, ça va bien messieurs? Ça va et toi Fred? Bah bienvenue, ça fait plaisir de vous avoir en tout cas en chair en os. On racontait avec D-Fool, c'est vrai que cet épisode, un des deux membres de la coloc qui avait couru lors du Planète Rap après un freestyle par téléphone pour finir en direct dans le studio. Je me rappelle encore. Mais là je suis revenu, j'ai ramené quelques potes ce soir. Bah je vois, vous êtes une petite équipe sympa. C'est ça. Une petite vingtaine tranquillement. Bon alors, est-ce qu'on peut tout savoir en express sur la coloc? Qui est dans la coloc? Qui rappe dans la coloc? Le CV de la coloc? Le CV de la coloc, ok. La coloc, c'est deux MC, âgés de 23 ans. On a sorti trois mixtapes pour le moment et là on arrive avec un premier EP. On vient de signer récemment en édition avec une équipe qui s'appelle M Factory qui sont là ce soir. Ils sont dans le plaisir. Vraiment un gros big up, M Factory. Et voilà, on arrive tranquillement avec ce premier EP qui s'appelle 5M2, hashtag 5M2, 5 mètres carrés la coloc. 5 mètres carrés, voilà. Pourquoi alors 5 mètres carrés? Parce que vous l'avez fait dans un 5 mètres carrés C'est un peu ça le truc, c'est un peu ça. En fait, c'est le nombre de mètres que fait une cabine de studio. 5 mètres carrés. Ouais, c'est ça en fait, oui. Voilà, c'est ça. Ah ouais, bien joué. C'est pour ça, et on a sorti un dernier projet qui s'appelait Sign Le Bail, c'était une mixtape. Donc, et ben voilà, donc, c'est la suite en fait. Donc dès lundi, virtuellement dans les bacs, j'ai envie de dire, parce que ça sortira pas en physique. En fait, c'est un projet qui va sortir exclusivement sur le digital, si tu veux. Mais on va préparer pour vraiment tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent un coffret spécial où dessus t'auras un t-shirt. T'auras ton album en physique et tout, et ça, tu vas pouvoir le commander directement sur notre site en fait, lacolocmusique.com. Bon, est-ce qu'on peut précommander par exemple dès ce soir là? Bien sûr, il y a des gens qui écoutent. www.lacolocmusique.com. Vous pouvez précommander directement. Donc on peut l'avoir tout de suite. Mais précommander à fond, même franchement. Précommander. On a lancé la précommande il y a à peu près un peu moins de deux semaines avec un clip qui s'appelle Lost aussi, que vous pouvez découvrir. Qui est un très beau clip qu'on a tourné à Marrakech d'ailleurs. Exactement, magnifique. Réalisé par Dame Coman. Il y a du budget. Exactement. Ouais, j'avoue. Il y a un peu de budget. Sur ce projet, on va dire que c'est le projet le plus abouti. Exactement. Et pour revenir dessus, 5M2, pourquoi? Parce que c'est 5 titres, 5 clips, 5 univers. C'est un EP qui va être avant tout visuel. C'est-à-dire que tout va être clippé. Tu vois, nous on insiste beaucoup sur l'image. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain clip, bien exactement. Sûr. Exactement. Chaque mois un clip. Chaque mois un clip. 5 du mois à 5 heures. On va essayer de s'y tenir. Et vous n'avez pas dit surtout la coloc, c'est qui alors? Thias et Marwen. Thias et Marwen. Voilà. Voilà, c'est vous deux. C'est nous deux. Le binôme. C'est alors, après, il y a 2-3 équipes que je connais. Hein. Il y a Pessoa qui est dans le coin. Toujours. Bienvenue Pessoa. Il y a Moody Mike qui est au platine. Ça fait un grand plaisir de retrouver Moody Mike au platine. Yes. Et on est venu aussi avec Box. Box Frappe Game. Et bien, bienvenue à vous tous. De toute façon, on va faire le tour de table dans un instant. Mais le mieux pour découvrir la coloc, c'est de balancer un morceau, même deux morceaux de suite. Yep. C'est extrait de 5 mètres carrés. Non, comment on dit? Dièse 5... Hashtag en fait. Hashtag 5M2. Exactement. On débute avec le premier morceau. C'est parti messieurs. C'est parti. Ils sont au contrôle de la nocturne. Yeah. La coloc, ça sort lundi. J'étais un vieillard au crépuscule de sa vie. Quel âge as-tu? 7 ans. Et je fais beaucoup plus vieux. Il a 7 ans. Tu n'es pas un enfant comme les autres. Les gens ne vont pas comprendre à quel point tu es différent. Benjamin, tu as l'air remarquablement jeune. Et un après-midi. Dédicace à mon gars J-Faz, qui a fait la prod. Lausanne, what's up? Laisse-moi dans mon délire au frais comme un pack de binge. Immature, je te fais collerie comme un pack de Louis Tatou, Strabag, Levis sous les genoux, Air Force, le Wahoo 10 tous les jours. Poste de ma promo, Bros comme Mario, j'ai du buzz sans tapis. Un peu comme Sleepy Hollow, j'en ai perdu la tête. Appelle-moi Benji Button, je veux mourir jeune et fier. Ma jeunesse elle est high, jamais sur la paille. Toi t'es sur les rails avec un train de vie de schlag. Je te laisse avec ton CV, tes diplômes de merde. T'as ce gros, tes ragots, tes clichés de merde. Tout le monde debout. C'est pas encore le bilan, même pas un quart de siècle que je croque la vie à pleine dents, à plein temps. Je tape un arc qui m'excède, car je veux pas mourir d'ennui sur mon fichier Excel. Benji Button, Benji Benji Button, Benji Button, Benji Benji Button, Benji Button, Benji Benji Button, Benji Button, Benji Benji Button. Souvent montré du doigt, tu fais face à mes différences. J'en ai rien à foutre de ce que disent les gens. Méfiez-vous des apparences, on est loin d'être vieux. On a la tête sur les épaules et quelques envieux. Hey boy, reste tranquille, on est les princes de la ville. On est venu braquer le king. prends-moi ton rôle si j'ai ma putain de paire de Nike 9. Tellement immature pour faire agrailler, j'ai de bonnes meufs. Cinquième dent, précommande. Allez, précommander ça tout de suite. iTunes. Je serai pour tes ancêtres. Je vole ma vingtaine comme un putain de shoot à 3 points. Puis j'aime les esprits fins, les gros seins dans un corset. Curieux destin, ouais, qui aurait pensé. Je suis né à 80 piges à moitié denté. Tantis, plus je grandis, moins je réfléchis cependant. Mais j'entends que ce putain de rap a besoin d'un putain de changement. On efface pas ses rides avec un pansement. La force de quarte ronde dans le corps d'un enfant. Yeah. Souvent montré du doigt, j'ai dû faire face à mes différences. J'en ai rien à foutre de ce que disent les gens. Chaque jour on se fait du mal, on se pose des questions. Comment devenir des hommes sans concession? Pour nous c'est hors de question, si la faucheuse vous questionne, dites-lui qu'on vieillit comme des jeunes. Chaque jour on se fait du mal, on se pose des questions. Comment devenir des hommes sans concession? Pour nous c'est hors de question, si la faucheuse vous questionne, dites-lui qu'on vieillit comme des jeunes. Benji Button souvent montré du doigt, j'ai dû faire face à mes différences. J'en ai rien à foutre de ce que disent les gens. Rap français 100% explicite lyrics. La nocturne. On va vous emmener dans un univers un peu différent. Le morceau s'appelle Lost. Produit par Chapeau, French, T-Tug, M-Factory. Je sais même pas par quoi commencer. J'hésite entre la fac et le son. J'ai traîné ma paire de ville en ville. J'ai traîné ma peine de rime en rime. Ma mère veut que je parte de chez moi. Comment me faire confiance? Et à moi-même je suis là. J'ai connu quelques potes qui sont devenus des frères. D'autres se sont lost et j'ai lâché l'affaire. 23 piges, faut que je grandisse. J'ai des projets pas droupis. Je tourne comme une toupie, j'en vois pas le bout. Si je vous fais un sourire, c'est pour masquer mes doutes. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour trouver notre place? Au fond de la plage, mettre la pendule. Et j'aimerais juste leur dire que je suis là. Par quoi commencer? J'hésite entre ma meuf et mon ex. J'hésite entre la tendresse et le sel. J'ai grandi sans ma dame, j'ai tant besoin de love. Métis comme mon père, j'ai dû forger mon esprit. Loin de nos repères, j'ai tant besoin qu'on m'estime. Je suis perdu dans ma sphère. Est-ce que ça va le faire? Moi je veux faire du son, mais les gens me comprennent pas. Au fond, qu'est-ce qu'ils en savent que ce qui est bien pour moi? Et si demain je perds, j'aurais gagné confiance en moi. Vaut mieux essayer les terres pour encore avoir la foi. Car c'est la coloc sur la nocturne, K-O-L-O-K. Rejoignez le mouvement. Cinquième 2 en précommande, disponible lundi. Clip maintenant disponible sur YouTube. C'est la nocturne avec la coloc au contrôle de la nocturne. Ce soir, on vous fait découvrir la coloc. avec le projet donc hashtag 5M2. C'est bien. Ou 5M2. Je suis pas planté les gars, c'est bon. Non, c'est bon, ouais, nickel. Ou 5 mètres carrés, c'est comme vous voulez. Voilà, voilà, en fait, c'est ça. C'est la taille d'une cabine d'enregistrement. Voilà. Exactement. Exactement. Mais après, va falloir nous aider à pousser les murs. Ah, en fait, c'est ça l'idée. Bah, l'idée, c'est que après, vous enregistriez dans un studio 100 mètres carrés. Hein. Voilà. Non, mais le hey, tu sais que le studio on enregistre M Factory, parce que je vois les mecs qui tirent la gueule là derrière. Il y a Pierrot, il me regarde bizarrement là. En vrai, le studio on enregistre, je peux te dire qu'il fait pas loin de 100 mètres carrés. Ouais, tu vois, mais c'est la cabine en soi, la cabine en soi. Il faut pas le dire, faut pas le dire. Après, précommandé, d'accord. Sorti officiellement un jour. C'est ce qui sort justement du micro, que ce soit 5 mètres carrés ou 100 mètres carrés. L'important, c'est la qualité des morceaux, la coloc à découvrir. Il y avait un morceau donc, qui s'appelait Lost à l'instant, qui est sur le projet qui sort lundi. Yeah. Réagissez d'ailleurs, envoyez le hashtag Skyrock avec la coloc aussi, vous envoyez tous vos messages. En fait, si vous êtes pressé, vous pouvez désormais avoir Lost en fait en précommandant le projet. Ah, tout de suite, on peut l'avoir. Si vous précommandez, ça vous débloque Lost et 3 jours plus tard, donc vous aurez l'intégralité du projet. Pour ça, je vous donne rendez-vous sur iTunes. Et bah, allez cliquer. C'est un vrai commercial, mon pote. Bah, il a raison, il est fort. C'est un vrai, il est fort. Alors, qui nous raconte l'histoire de la coloc, justement, comment vous êtes réunis tous les deux, comment ça s'est passé? Waouh, là, l'histoire, elle est longue, elle est grande. Sortez les dossiers, messieurs. Franchement, tu vois, pour que je te dise, franchement, il y a une phrase qui résume bien le truc. C'est pour te dire, on se connaît, franchement, mais vraiment depuis le berceau. Ouais, ça veut dire, c'est mon père, si tu veux, mon père. Son père, il travaillait, c'est mon père. Il a accompagné sa mère pour qu'elle, tu vois, pour qu'elle aille accoucher, en fait. Mais imagine, sans son père, donc je serais même pas là, quoi. Tu vois le délire. Non, mais sans déconner. Sans déconner, c'est vrai, je suis sérieux. Tout petit, franchement. Et moi, de toute façon, l'histoire, la coloc, c'est très simple. Tu vois, moi, mon père, il travaillait beaucoup le soir. Mm. Et en fait, dès mon plus jeune âge, j'étais amené à vivre en coloc avec Tchash, chez Tchash. C'est ça, exactement. Ouais. Je lui dois tout. C'est comme ça que ça s'est passé. Et il n'y a aucun moment, depuis le berceau, où vous êtes pris la tête tous les deux. Oh non. Tu vois, il y a des hauts et des bas, c'est normal. C'est vraiment comme plus qu'une histoire de couple, tu vois le délire ou pas? C'est un vrai délire, c'est fusionnel, mais c'est normal que voilà quoi. C'est sûr, il y a des hauts débats, mais jusqu'à maintenant, on est toujours là, toujours en. Ça fait. Bon, alors qui pécho le plus des deux alors? Ouh là là, t'es sur un sujet très sensible. Un sujet glissant, je sais. Oui. Pourquoi on a des têtes à pécho comme ça, c'est vrai? Non, vraiment pas en plus. Non, pas. C'est pas notre style, tu sais très bien. Bah d'ailleurs, pour vous suivre, pour découvrir un peu vos gueules, les clips, s'il y a des morceaux, est-ce qu'on peut aller cliquer pour vous suivre les gars? Bah en fait exclusivement sur YouTube quoi, vous avez juste à taper la coloc, ou alors sinon vous nous rejoignez sur notre page, c'est la coloc également. Il y a aussi le Facebook de la coloc music account. Et sinon il y a nos pages perso, Marwan Zaybat, la coloc. Après il y a le site www.lacolocmusic.com. Et aussi un petit truc à tous ceux qui nous découvrent, la coloc K-O-L-O-K. Ah oui, oui, c'est comment ça, pas à taper des trucs C-O-L-L-O-Q-U-E, machin des trucs. Ils emmerdent, j'arrive pas à trouver quoi. N'inventez pas de vie. K-O-L-O-K. K-O-L-O-K, c'est très simple. On va faire des t-shirts pour ça. Au moins, ça sera écrit sur tous les torses. Ouais, vous pourrez plus vous tromper. Ouais, donc, il y a le site lacoloc.com. Hein, non. Coloc Music, c'est lacoloc. Coloc Music, pardon, ouais. Avec un C. Avec un C. Ouais, exactement. Exactement. Yes. Et bon, on est reparti sur le projet. Ok. On y va. Après, il y a un gros live qui se prépare aussi. Hein. Et puis, on présentera les invités de la coloc. Ça, c'est pour te répondre, Fredo, si on pêche ou pas. Tu vas comprendre dans ce morceau. Voilà. Pourquoi je vous ai emmené sur ce terrain, les gars? Ça sort lundi, c'est la coloc au contrôle de la nocturne. Yeah. C'est 100% rap français. Je passe par la fenêtre comme si j'étais un bandit. Si ton père nous voit, il me tire dessus, des fils à chronique. Play the jack, j'ai le backpack. Ma vie c'est du blackjack. C'est fou comme je te préfère à 4 balles. Elle en veut toujours plus, mon frère, je peux pas lui donner. Tu respectes plus les règles quand tu veux prendre ma monnaie. Tu veux que je te prenne la main et que je t'amène au ciné. Relation égale, conséquence, l'aurais-tu oublié? Tu connais le personnage. Chérie, je te trouve super mignonne, mais sois sauvage. On a des secrets en commun qu'il faut qu'on garde. Si t'es ma sex friend, faut qu'on se capte. Si on s'attache, si on s'embrasse, vivons le moment présent. Si on se lâche, si on se lasse, fuyons vers d'autres. C'est exactement ce que tu crois. Alors n'aie pas la voix, n'y va pas. Non, faut pas tomber dans le piège comme ça. Grosse dédicace à Lala, Lala Campbell qui est sur le morceau en featuring avec nous. T'as vu Lala? Elle se repose sur moi comme une apostrophe. Elle me fait confiance mais je suis qu'un imposteur. Elle me donne son corps sans me donner du love. Une amitié en or qui ne fait pas de temps. Des fois j'ai peur mais tomber amoureux je peux pas me le permettre. On se prend jamais la tête, coincé sous la couette. On fait toutes les positions que nous ont pas fait nos ex. On se voit la nuit, je te perds pas de vue. Dis-toi qu'on a le même chemin. Dieu de voir ton avenir, me regarder partir sans construire un lendemain. si on s'attache, si on s'embrasse. Hashtag 5M2 sur les réseaux sociaux. Le P est en précommande, ça sort lundi. Exactement ce que tu crois, alors n'écoute pas la voix, n'y va pas. Non, faut pas tomber dans le piège comme ça. Rien n'est acquis, tu ne m'auras pas. Non, mais tu vois pas que je joue avec toi. N'est-ce que faut pas tomber dans le piège comme ça. Non, y'a plus rien à faire. Pas changer maintenant, c'est moi qui tiens les rênes. Tu ne contrôles plus l'affaire, fallait y penser avant. Tu es devenu mon secret, secret. C'est exactement ce que tu crois, alors n'écoute pas la voix, n'y va pas. Non, faut pas tomber dans le piège comme ça. Rien n'est acquis, tu ne m'auras pas. Non, mais tu vois pas que je joue avec. N'est-ce faut pas tomber dans le piège comme ça. C'est exactement ce que tu crois. Alors n'écoute pas la voix, n'y va pas. Non, faut pas tomber dans le piège comme ça. Prod by Chapeau and French Connect. Yeah les gars, je vous vois. Planète Rap, 100% rap français. On fume, on tise, on garde le ciel avec des étoiles dans les yeux. On vit nos rêves parce que la réalité nous rappelle. C'est le moment de se mettre red. Je te follow back que si t'es bonne, baby. Bah oui, j'aime les gros culs dans les leggings, maybe. 5 mètres carrés vont leur faire super mal. C'est toujours les bras cassés qui jouent les Superman. C'est 2020, chérie. Ouais, y'a des fous partout. Ils veulent jouer les gangsters, ont peur de se faire un tatou. Non, mais j'te jure, arrête. Deux, trois de mes raids que plus ont déjà retourné la terre. Génération. Fuck tout, dans les clubs, dans les gourds, en bas de chez toi où tu traînes comme d'hab. Génération. Fuck tout, dans les clubs, dans les gourds, en bas de chez toi où tu traînes comme d'hab. Red, on se met red ce soir. Pas besoin d'être samedi soir. On se met red, on se met loin. On prend tout club en accessoire. Red, on se met red ce soir. Pas besoin d'être samedi soir. On se met red, on se met loin. On prend tout club en accessoire. A la classe gars, viens voir. Je l'ai pas, je lâche pas. C'est parti, j'ai des rampes, je garde mon esprit dans la monnaie. Y'a toujours un plan qui promet, quand y'a bon bah il faut assumer. Nigga just do it. Push to the limit, chargé comme un avion de chasse. Mais chérie, faut atterrir. Skyrock, dosé. J'collectionne mes revêts comme un trophée. Posé ce soir. Qu'on se connaisse au passage, qu'on va se mettre red. On se met red ce soir. 5ème dos en précommande sur iTunes. Yeah. On se met red, on se met loin. Sorti lundi. KO Loka sur la nocturne. On fume, on tise, on garde le ciel avec des étoiles dans les yeux, red comme d'hab. On vit nos rêves parce que la réalité nous rappelle juste qu'on stagne. Red, quand nos proches s'inquiètent pour nos yeux rouges. Bienvenue dans mon red. On se met red ce soir. Pas besoin d'être samedi soir. On se met red, on se met loin. On prend tout club en accessoire. On se met red. On se met red. On se met red. On se met red. Vrai rap français, je t'ai vu mec. C'est la nocturne 100% rap français avec la coloc. La coloc. Au contrôle de la nocturne. Ah, ça commence. Ah bah à cette heure-là. Hein. Juste un petit mot sur ce son, frère. Ouais. En fait, une fois de plus, c'est une prod de Chapeau et French Connect. Ouais. En fait, c'est deux beatmakers avec lesquels on a beaucoup travaillé sur cette EP. Et franchement, j'aimerais vraiment leur passer une grosse dédicace. Yes, ils sont là dans le studio. Grosse dédicace, qui a un gros feeling. Ils ont composé franchement 80% du projet. Tu peux même les retrouver sur plein de titres là qui sont sortis, le dernier MZ, enfin bref, plein de choses comme ça. Vraiment une grosse dédicace à tous les beatmakers qui travaillent chez M Factory et à la structure M Factory, je tenais vraiment à le dire. Voilà. Et bah, bienvenue à vous tous, le hashtag c'est Skyrock, le hashtag c'est aussi 5M2. Hein. Exactement, voilà. Qui veulent envoyer des messages, c'est le nom du projet qui sort lundi. Ouais, exactement. Exactement. En précommande dès maintenant. Dès maintenant. On va attaquer le live d'ici quelques minutes, on va remettre aussi un morceau. Un petit point quand même aussi sur vos invités. Est-ce qu'on présente un petit peu tout le monde aussi autour de vous? Bien sûr, de toute façon, je pense qu'ils vont se présenter. Donc, on a PSOA. Présente-toi, moi. Présente-toi, il y a un projet. Fais pas le timide. PSOA, Edihide, Square, Grizzly Town, voilà. Moi, j'ai sorti un projet sur iTunes Arena. J'étais venu déjà la dernière fois avec 3010. Et j'avais sorti Adouena, là j'ai sorti la suite et voilà, là je fais du son sans but. Voilà. Bon, 3010 va bien aussi. De quoi? 3010 va bien aussi. Son premier clip il est sorti, Z. Le morceau est disponible sur iTunes, il prépare son album Nemo. Enfin il prépare, c'est prêt. Voilà. C'est dans le four. Voilà, exactement. T'attends qu'à sortir. Donc voilà. PSOA qui est avec vous aussi, les gars, allez-y, je vous laisse faire le tour du studio. Box Frap Game. Rappeur du 9-3, il est aussi édité chez M Factory. Et toi, t'as des projets qui sortent, qui arrivent? Là, j'ai un EP qui arrive le 25 mai. Et puis lundi, d'ailleurs, j'ai une actualité qui arrive sur YouTube pour promotionner en fait mon EP. Donc ça arrive lourd, 9-3, c'est un Montreuil-Zou. Allez suivre donc allez suivre tous les invités dans un instant vous les trouverez en live. Allez checker box, franchement, PSOA et box. De toute façon on n'invite pas n'importe qui. Un petit mot aussi sur ce qui vous a influencé, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à rapper, est-ce qu'il y a eu des morceaux, des artistes, qu'est-ce qui vous a baigné dans votre adolescence qui est pourtant pas très loin je pense, Ah, tu sais, ça remonte déjà à loin pour nous. Qu'est-ce qui tournait beaucoup, voilà. Les grosses claques rapologiques. Franchement, français ou US ou les deux? Bah les deux, ouais. Les deux. Bah alors moi français, je vais pencher pour 113 et DC. Ok. Moi je penche pour français, toutes catégories confondues. NTM. Mon père il m'a fait écouter du NTM. J'ai baigné dans du NTM et je ne retiendrai que ça. Et ça veut pas dire que leur musique m'influence ou quoi. Hein. Mais c'est juste que moi voilà, j'ai baigné là-dedans. C'est NTM. Malheureusement, tu n'as pas assez écouté de Laisse pas traîner ton fils, sinon tu n'aurais pas fait de rap. Pas mal. Tu sais que tu devrais rapper, Fred, des fois je me dis. Non, je te jure que tu devrais rapper. Je vous laisse les punchlines, je suis trop vieux pour ça. Trop vieux. Bon, on va repartir sur un dernier morceau qui est extrait justement du EP, du projet en tout cas, qui sort lundi. Yes. En plus, c'est un morceau de présentation, donc ça tombe bien. C'est un morceau qui s'appelle Ma Coloc. Voilà. Qu'on va écouter maintenant et puis après on partir. Il y a un autre morceau aussi, c'est ça, à écouter hein. Vous avez un autre morceau à balancer? Non, le prochain morceau, on le fera en live, Fred. Eh bah, parfait. Ouais, voilà, c'est mieux. Allez, on y va pour ce morceau et après on attaque le live. Ok. La Coloc au contrôle de la Nocturne, ça sort lundi. Yeah. Prod by Heisenberg Music. On fait de la Heisenberg. 41759 les messages. Elle est pure l'humain. Hashtag Skyrock, ça arrive dans le studio. La Coloc au contrôle. Tout est expliqué dans le son. Écoutez bien le son. Tout est expliqué dedans. Tu veux tout savoir, écoute. La France et ses clichés. J'ai grandi entre les riches, les pauvres, les oubliés. Ma mère, tu veux savoir qui je suis, écoute mes textes. J'ai appris à encaisser des coups graves sévères. Je suis attendu, Dieu me regarde. Les larmes de ma mère quand j'ai quitté mes sœurs. À 10 ans, j'en ai le souvenir, ouais. J'en ai gros sur le cœur. Je barre comme box dans mon auto. Je crois en ma chance sans jouer au loto. J'ai connu un frère qui m'a épaulé, ouais. Ça va plus loin qu'une photo. Ma mère est analphabète, moi j'ai pas de plus 5. Rends-toi compte de l'ascension qu'elle a pu faire. J'ai poussé dans les orties. L'important c'est pas d'où je viens mais d'où je vais sortir. Mon père s'est cassé le dos pour me passer le trône. On a grandi trop vite, rien qui s'en passe des choses. Franco Tunsi, j'ai fait le plein d'ego. Frigo vide dans la coloc, on taffe nos mots. On n'a jamais compté sur son père. On a grandi seul avec nos pères. On m'a dit boy sèche tes larmes. Ça va le faire, ouais ça va le faire. Taille dans mes colocs, pisse dans ma coloc. Smoke dans ma coloc, baisse dans ma coloc. Sucré dans ma coloc, red dans ma coloc. Laisse-les dans ma coloc, on pose dans ma coloc. Qui on est, d'où nous vient. On vient brûler vos codes et tous vos combats. Notre musique va plus loin qu'un code postal. On a grandi partout, on est des soldats. Red dans ma coloc, pisse dans ma coloc. Smoke dans ma coloc, baisse dans ma coloc. Sucré dans ma coloc, red dans ma coloc. Laisse-les dans ma coloc, on pose dans ma coloc. Qui on est, d'où nous vient. On vient brûler vos codes et tous vos combats. Notre musique va plus loin. plus loin d'un code postal. On a grandi partout, on est des soldats. Dans ma coloc. 5ème 2 en précommande. Tout est dit dans son. Écoutez le couplet de chasse. Enfant un problème à la base. Génération fait le minimum pour que ça passe. J'ai l'impression d'être arrivé dans un cargo. Un 991 sur le bec gauche. On va vous vendre du rêve même dans nos pires cauchemars. La vie reste une fête même quand ça vire au drame. J'ai côtoyé des diplomates, des pères qui bigravent pour des diplomates. J'ai élevé ma sœur en solo. Mec j'étais daron trop tôt. Ils n'ont pas les codes pour nous comprendre. Gosse à la fois immature et conscient. J'me revois quitter la school. Faire kiffer la foule, briser les bâtons sur ma route. Perdu dans mes Air Max noirs. Mon corps en France mais mon esprit à Kinshasa. Dans vos cases nous rentre pas. On a vécu sous le même toit. On s'est battu pour la victoire. J'ai dû réécrire mon histoire. Et si j'ai qu'une chance de le faire, que ma mère entende mes prières. Boy, c'est j'étais là. Ça va le faire, ça va le faire. Taille dans ma coloc, tease dans ma coloc. Smoke dans ma coloc, baisse dans ma coloc. En secret dans ma coloc, rêve dans ma coloc. Laisse-les dans ma coloc, on bosse dans ma coloc. Qui on est, d'où on vient. On vient voler vos codes et tous vos combats. Notre musique va plus loin qu'un code postal. On a grandi partout, on est des soldats. Taille dans ma coloc, tease dans ma coloc. Smoke dans ma coloc, baisse dans ma coloc. En secret dans ma coloc, rêve dans ma coloc. Laisse-les dans ma coloc, on bosse dans ma coloc. Qui on est, d'où on vient. On vient brûler vos codes et tous vos combats. Notre musique va plus loin qu'un code postal. On a grandi partout, on est des soldats. C'est la coloc au contrôle de la nocturne 100% rap français. Le projet sort lundi en précommande dès maintenant. Allez cliquer. Cliquez, cliquez, cliquez. On vous invite tous sur notre coloc. Les colocataires, on compte sur vous. Et j'espère que vous avez bien compris son. Parce qu'on a dit beaucoup de vérité dans son. Il y a beaucoup de gens dans notre musique qui nous ont toujours dit qu'on se livrait pas trop. On faisait de la musique de fête, de je ne sais pas trop quoi. Et bah dans son, on vous a tout dit. Et franchement, écoutez-le bien et précommandez. Maintenant. Bah, réécoutez-le, mais réécoutez-le en allant cliquer dès maintenant. Vraiment. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est prêt pour le live maintenant? Ouais. On va partir pour une grosse session live avec la coloc. Vos messages avec le hashtag Skyrock, ça arrive. On y va? Donc on va commencer avec un morceau qui s'appelle Plan B. Plan B, Moody Mike est au contrôle. C'est le morceau bonus. Moody Mike est avec nous ce soir. Envoyez Moody Mike. DJ Moody Mike. Au volant d'un zip, pas de carte grise. Passe-moi la tisse que je ne lève d'un lisse. Pas de taille à gauche, on claque tout ce qu'on clive. Vie au jour le jour comme Clyde et Bonnie. On veut d'un Nicky, pas de la skinny. Qu'on dégomme comme une équipe de skinhead. On décolle boy sur la terre, on est passé. Ne déconne pas sur le beat, on les a. Je te bang bang comme Sirocco, Freddy. Au volant d'un Sirocco, je débite. Pour le plan A, on hésite. Pour le plan B, je me casse au Brésil. Chier, please, si t'as pas idée. Casse des coups comme un kiné. Plan B. Geronimo. Plan B. Geronimo est dans la place avec nous ce soir. Plan B. Plan B. Soit ça passe, soit je me fais plomber. Non, y'aura pas de plan B. Plan B. Soit ça passe, soit je me fais plomber. Plan B. Plan B. Plan B. Plan B. C'est soit ça passe, soit je me fais plomber. Quoi qu'il en soit, y'a pas de plan B. Y'a pas de plan B, my nigga. Quand on kick, c'est impeccable. J'aime les gros culs et pétards. Soit ça passe, soit je te démarre. J'suis pas piste de pistonner. Donc si je perce pas, je trouverai ça normal. Plus y'a de monnaie, plus les sales tiens veulent, tu dors mal. Clap, clap, clap, clap, clap. Faut que je lui mette ça frappe, frappe, frappe, frappe, frappe. On a tout misé dans ce domaine. Aucun plan B, je me démène. Sans un putain de salaire, la durée vie d'une comète. Amen. Plan B. Yeah. 5ème 2. Précommandez maintenant le P5ème 2 sur iTunes. Plan B. Yeah. Le 20 avril. Plan B. Soit ça passe, soit je me fais plomber. Non, y'aura pas de plan B. Plan B. C'est soit ça passe, soit je me fais plomber. Plan B. Plan B. Plan B. Plan B. Soit ça passe, soit je me fais plomber. Quoi qu'il en soit, y'aura pas de plan B. Wesh l'humain, c'est comment? Box, box. Prends ça en main, box, prends ça en main. Montre-leur 3. Y'a rien. Yes. Oh, c'est comment à Skyrock, la coloc, ils sont fâchés ou pas? Yeah. C'est chaud ça. Yeah. Ah, écoute ça, l'humain. DJ Moody Mike, ma boy. Je vais frapper le game, ils iront me chercher des canettes comme les petites lattes. Comme les petites lattes. Rappeur sans cerveau, t'as signé un contrat pour moi que le prix de ma caisse. Pour le prix de ma caisse. Wesh, elle est où la monnaie de ma pièce? Ramène. 10 cents plus 10 cents, j'épargne pour une ville à loin de la tête. C'est pas dans le bulging, non t'es dans les blêmes. Y'a l'avocat à payer la vente de ton 6 gros. Tout le matin les keufs pètent, y'a même l'hélicoptère. Un raté qui rapporte, c'est comme avoir Judas comme frère. Bande de bâtards, j'suis dans le sec. J'travaille mes flots, j'fais plus que les 35 heures. N'écoute pas ces rappeurs, ils sont pas dans le bendo. Ils ont pas de zéyo, c'est juste des becs d'acteurs. Plus tu montes, plus tu te fais d'ennemis. Sois parano, l'humain, méfie-toi d'elle et lui. Gentillesse, business, ça se mélange pas. Non, non, un peu comme l'eau et l'huile. Plus tu montes, plus tu te fais d'ennemis. Sois parano, l'humain, méfie-toi d'elle. Lui. Gentillesse business, ça se mélange pas. Non, non, je veux brasser comme ce négro de Baltimore. Baltimore, ouais. Mais la vie c'est pas The Wire. T'es mort, ouais. Dis-moi combien tu veux l'humain. Combien tu veux l'humain. Combien tu veux l'humain. Combien de problèmes il faut, combien de problèmes il faut. Passer à autre chose, accélérer. Qu'on y arrive ou passer les règles. Je vais faire plus fort que vos rappeurs en place. Qu'ils me valident ou passer la même. 9-3-2-40, négro. Orienté en PEP, vente substance planante, négro. Y'a le projet qui sort, ego. Mon public l'attend comme ma femme et l'arrivée du gosse. Fonds d'investissement, le prix d'une Clio. Pour jour férié, faut que j'arrive à voir celui d'une Porsche. Je suis trop déterminé, j'ai pas... Y'a le temps que j'ai vu que j'allais y arriver, alléluia. J'crois que j'peux changer les règles après avoir passé une décennie à analyser. M'occuper du game, j'ai parfumé la pièce, son de musique douce, la lumière est tamisée. J'y fais du jamais vu, les plus débiles penseront que Jésus est arrivé. Fermez la parano, y'a le seum, la crâne comme ces trois blocs de la bague dans une voiture banalisée. Pile au moment où du rock m'a un gros convoi de résine vient d'arriver. Mort, Baltimore, ouais. Mais la vie c'est pas The Wire. T'es mort, ouais. Dis-moi combien tu veux l'humain. Combien tu veux l'humain. Combien tu veux l'humain. Je te dirai combien de problèmes il faut. Combien de problèmes il faut. Combien de problèmes il faut. Tu veux passer comme ce négro de Baltimore. Baltimore, ouais. Mais la vie c'est pas The Wire. T'es mort. 9, 3, 5, on arrive. Oh, c'est comment. Block The Doux. Wesh le dé. Oh, on est là. Wesh le dé, y'a quoi? De rose, c'est à la. C'est chaud ça, putain. Des ça le oh, le colon ou MA. Yes, yes, yes. 80. Eh, la coloc, ça se kérope, poteau. On passe à Pessoa maintenant. Live de Pessoa. Oh, Pessoa. C'est parti, c'était Box. Pessoa, c'est comment? Pessoa, c'est comment? C'est chaud ça, putain. Putain, cette dope est trop chaude. Eddie Hyde, SKW, Grizzly Town, DPL. Ah, il y aura toujours des gens qu'on va oublier. On s'excusera plus tard, mon pote. La coloc, yes. 5 mètres carrés. Dans la sphère, mon pote. Yes. Qu'est-ce t'entends, PSOA, Arena c'était une question de temps. Parle pas de Twingo, je vois les caisses qu'en grand ils continuent de parler. Mais qu'est-ce m'en branle, un par un ils se demandent qu'est-ce qu'on prend. On est les meilleurs, c'est une question de clan. Maintenant ils percent pour une question de franc. L'objectif, être les best en France. Et qu'est-ce t'en penses et qu'est-ce t'attends. Si tu m'entends, c'est que je geste à temps. Je peux faire seul tout que les caisses t'attendent. Tu veux enculer du MC, gros qu'est-ce t'attends hein. Pas d'excuses, être caisse ça prend. Je ne suis pas un illumi, je laisse à temps. Mon équipe ne tue pas, mais blesse à temps. Même mentalement, on te laisse à cran. Un peu de safran, faut que tu me laisses gémant. Si tu me demandes ta route, je te laisse en plan. Mais elle reste en planque. Le bif que je touche, jamais ne reste en banque. Elle parlera sur WAM si je la laisse en transe. Je fais des passes pour fan de fesses blanches. Faut que tu sois très chaud pour que je te laisse ma chance. Ça allie toi, nous on reste en blanc. Yeah. Y'a pas que la musique à deux tons qui fait peur, ma man. Y'a pas que la vérité qui va te faire ma mal. Y'a que le rap qui peut assouvir ma attaque. Y'a que nous qui restons propres tout en faisant du sale. Y'a du monde ou pas? Reste en blanc. Yeah, yeah, yeah. Ils se salissent, nous on reste en blanc. On reste en blanc, pas d'enfant encore. Ils se salissent, nous on reste en blanc. On reste en blanc, ma gueule. Tout le monde sur la nocturne. Ils se salissent, nous on reste en blanc. Ils se salissent, nous on reste en blanc, l'humain. LC Boys, mec, ils se salissent, nous on reste en blanc, l'humain. La Courneuve, Bourget, GLG, Wilson, ils se salissent, nous on reste en blanc, l'humain. Reste en blanc, l'humain. 9-3-12ème, la coloc. Yeah, yeah. Ok, ok. Franchement, grand merci à Box. Grand merci à Pessoa aussi. Si, c'était du tout. Bon, les gars, bien vu. Pessoa, leur projet respectif. On passe au freestyle. Très lourd. Là, les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses arrivent. M Factory. La coloc, l'humain. Marouane. Box, tout le monde est là, Fredo. Il va se passer quelque chose de grand, ok? Session live, session freestyle, c'est parti. C'est comment? Yeah. C'est chaud ça, putain. Oh merde, le roi, ta gueule. Yes. Le rap game, chiffre quand y'a pas de thème. T'as fait du besoin, montre ton document, pas t'y a pas de gêne. Je viens de nulle part, peu bâtard. J'ai trois cerveaux dans ma tête comme un diplômé d'Harvard. Si ma mère gueule, c'est que c'est bon signe. Ça veut dire que j'écris trop. Hey, si ma tasse gueule, c'est que c'est bon signe. Ça veut dire que je la baisse trop. Hey, j'ai encore jean, putain dinguerie, singerie. Rentre pas dans mon cerveau, c'est un champ de mine interdit. Apprenti, tu nous vois comme des tuyaux, on apprend vite. Sors de la cabine, du sang d'MC dans les gencives. J'suis une putain de machine, je m'arrête jamais. Je vais les rendre bateaux sans même vouloir les couler. M-A-M-A-R, c'est ton boy qui traîne, qui t'enterre. Tu peux m'appeler Alex, mais n'empêche que je te baisse quand même. Fais pas l'étonner, confonds pas des mecs qui t'a fait toutes ces salopes qui sont pistonnés. Je suis complètement taré, taré. Faudrait peut-être que j'arrête, j'arrête. M'attends pas, je serai pas dans les bacs. Pas le temps, gars, j'ai baffé mon bac. Sûr de moi, de surcroît. Sans pinceau, je déchire la toile. Je crois sur le net, net, net, net, net. Je vais te la mettre, mettre, mettre, mettre, mettre. Choqué, ok, ça y est, tu veux me fumer comme ton chef, chef, chef. On a pas le même style, pas le même maillot. Pas les mêmes bros, pas les mêmes drapeaux. Pas les mêmes sapes, pas les mêmes frappes, pas le même bac, pas le même tape. On met pas vraiment les mêmes claques. Viens, je t'explique. L'autre bâtard, je les rends dyslexiques. Je suis tout sauf à va. Tu veux rapper, mais t'es pas dans les temps. Tu veux faire des clips, mais tu passes pas à l'écran. À peine commencé, c'est déjà fini. Ma passion me saoule comme une taille de whisky. J'aime la pression et j'ai l'impression de déranger les gens comme un artiste qui impressionne. Fuck les questions, la haine me pistonne. Profiter des proches avant que la salle au prix d'Hersol. Seul dans mon monde, pire que Dom Tom. Que tu m'as plus mon espérance que ça conne, conne. Ra. Vous êtes sur Skyrock. La 5ème 2 est en foiré. 5ème 2 est en précommande. Allez, pécho ça vite! Et y'a Moody Mike! On va pousser les murs, bande d'envoyés! Envoie-nous un truc! Ok, rendez-vous dans vos voitures, c'est le moment! Yeah! Main! Ok! La coloc, Kaolo qui a pris le contrôle de la nocturne avec Fred! Killer Chas! C'est chaud ça, putain! 5 mètres carrés, mon pote! Nique le jour de paye, chaque jour c'est la même! Tellement influent, je convertis Jean-Marie Le Pen! Je roule dans ma Big Ben, j'ai lâché mon Big Man! Je baisse plus que Bill Gates, au poignet la Big Ben! Chez nous y'a pas de Big Boss, mange-toi des coups de cross! A force de grossir, j'ai bientôt le bide à Rick Ross! Rien à foutre de vos petits jobs, bouge ta petite robe! Et shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake! Vas-y, twerk non-stop, j'ai ma taille dans le froc pour les petits culs et les formes! J'ai dit check, vas-y twerk non-stop. J'ai ma taille dans le froc pour les petits culs et les formes. On est des types honnêtes qui aiment ça. Assis dans mon carré, j'ai une paire d'as qui twerk ça, twerk ça. Je veux voir des filles coquettes qui gèrent ça. Drop la que saute, la coloc, on aime ça. Yo, yeah. Artiste faux, j'ai rien dans les poches, j'suis dopé. Si l'inspice revendait de beaucoup d'or, je serais doté. Les étapes, m'en parle pas, j'vais les sauter. J'fais plus de bruit qu'un rap, tombe la bête comme un sapeur, chope la mort. Claque la porte, planque le cash dans le coffre de la gauche. Je te l'accorde, t'as fait la colle. Écoute-moi quand j'ai dit que t'as tort. Woo! Ma jeunesse veut squatter le bac, pas les bancs. Rêve de gros bonus, de salaire, rêve de choses alléchantes. J'veux pas taper dans un bureau de 8 à 17. Si t'as un problème, appelle tout le monde, mais oublie le 17. Si tu savais comme j'm'en bats de leur diplôme de nage, vaut bien plus que toute leur icône de base. Ma jeunesse, moi je l'aime, d'ici à Los Angeles. Accélère en CLS, on s'en bat les couilles des verres. Oh, on rêve de Big Pack Bow. On lâche pas le trône, t'as le rang Pack Bow. Yeah, ma coloc sur Skyrock. On okay, est là ou quoi? C'est la coloc sur Skyrock. C'est la coloc sur Skyrock, c'était le freestyle. Wesh, aimé, espèce d'enfoiré. À l'instant en live. Merci, messieurs, en tout cas. Franchement, Fred, si je peux te passer, bon, c'est ton émission, mais franchement, t'es le seul qui. Tu vois, dans ce game, m'a donné un vrai coup de main, sache-le. Yes. Et j'enregistre. Merci. Parce que tu sais, là, si, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui parlent. Ouais, la musique, nanani, piston, je sais pas quoi. Moi, je te dis, Fred, c'est un vrai gars, il m'a donné un vrai coup de main. Voilà. Dans carrière, il m'a donné un putain de vrai coup de main, je le souligne ce soir. On en parlera dans 10 ans dans ta carrière. Yes. Quand tu me diras merci à toi, Fredo. Quand tu me diras que je n'ai rien au son. On envoie. Rendez-vous dans 10 ans, mon pote. Yes. Bon, merci à vous en tout cas. Lundi, c'est la sortie. Loupez pas la coloc. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Ouais. Merci à Pessoa qui était là, à Box qui était là aussi au freestyle. Petite dédicace. Allez-y pour les dédicaces. Dédicace à mon poteau Kimbo qui est là, Slazen Cooking. Vous pouvez le retrouver. Sur D17. Yes. Dans Show le matin. C'est le best. Les meilleurs plats. Les meilleurs plats. Cousin Cooking. Allez pécho ça sur Facebook. C'est mon gars. Tiens, j'en place une pour Miko aussi. Miko de l'équipe. Du matin. Voilà. Yes, si Shota. Allez follow Box et Pessoa sur les réseaux sociaux. Super Box important. Box. Mon gars Box. Il y a son EP qui arrive. Ça m'a fait super plaisir qu'il vienne nous rendre visite ce soir. 25 avril. Loupe et pas. Donc. Je tiens aussi à dédicacer 25, ma petite soeur. Son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Ok. Yes, en tout cas, M Factory. S'appelle comment la frangine? Elle s'appelle comment la frangine? Elle s'appelle Mégane. Eh ben, un gros bisou à Mégane et bon anniversaire à Mégane. Yes, merci, ça fait plaisir. Merci à toi, Fred, encore. Merci à vous, en tout cas, la merci à tous ceux qui nous soutiennent. Partout, Paris, Rhône-Alpes, partout, même Genève, gros big up à vous. Ah oui, on n'oublie personne. Et longue route à vous à la coloc qu'on a pu découvrir ce soir dans la nocturne 100% rap français. Allez cliquer, allez récupérer. Donc le prix, il est à combien? 5 euros, man. Ou 4,99. 5 mètres carrés. Regarde le commercial revient à la charge. Regarde le ta prime. Prix psychologique, il t'a fait. En tout cas, c'est un bon tarif. 4,99, c'est parfait. C'est cool. Et c'est dès lundi dans les bacs. Et allez cliquer, vous avez déjà un morceau, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Si vous précommandez directement, en fait, Lost, il se débloque. Et Lost est déjà disponible sur YouTube. Un grand merci à B-Black TV qui l'a mis en rotation aujourd'hui. J'ai vu le site de Trace à partager. Continuez à partager, n'hésitez pas, les gars. Surtout, vous gênez pas. Vous pétez pas le doigt en cliquant. Merci à vous. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi l'émission, les tweets, tout ça, on vous a vu, les gars. Bon ou mauvais, en tout cas, on vous a vu. Et il y a quoi de prévu après? Là, vous faites quoi, les gars? Bah franchement, tu sais, 1h du matin, on est 20 gars, tu penses on rentre où là? Allez-y, nous dis nulle part. C'est sans Fred, on rentre nulle part. Par contre, suivant, on attend la fin de la nocturne, on va en soir avec toi, je te jure, ça doit être l'éclate. Ouais, l'éclate. Mais les gars, vous croyez quoi? J'ai arrêté de sortir. Ok, je vous filerai 2-3 contacts, mais 20, ça va être dur. Merci à vous en tout cas. La nocturne 100% rap français, ça continue pendant une petite heure sur Skyrock. Et merci à la coloc d'avoir été avec nous. Yes. Ciao. Yes. 100% rap français. La nocturne avec Sneezy. La coupe, c'est ce qu'on écoute maintenant. 100% rap français. Je suis pas arrivé au bon moment, dites-moi. Les gens ils refont comment, je sais pas. Mais ma maman avait besoin de flouze. Les repas organisés par la mairie, les cadeaux de Noël de la cave, je lui ai promis un château quand j'aurai de la maille. Et qu'un jour on irait vivre en Amérique. Je veux lui rendre sa jeunesse si c'est négociable. Dur d'accepter toutes les aides sociales. Elle m'a interdit de faire le pauvre. Elle m'a toujours mené vers le haut. Ma daronne c'est mon ballon d'hélium. Elle connaît la suite comme un médium. Elle a jamais fait la comédienne. C'est la plus mignonne des lionnes. Elle restait positive quand on touchait le fond. Elle reconstruit même quand tout s'effondre. Je me rends compte de son courage en grandissant. Séparée de sa famille pendant 10 ans. On était ses seules bouffées d'oxygène. J'ai jamais vu de femme aussi belle. Elle prenait seule son petit déj. Surmontait seule les galères de la vie quotidienne. Même si ton prochain n'a pas très faim, elle m'a toujours appris à partager le pain. Pour le paradis elle a son aller simple. Elle nous a élevés sans jamais se plaindre. J'avais 2 ans quand ils se sont séparés. Elle n'a jamais retrouvé l'amour. Le passé est impossible à effacer. Donc pour ma mère je dois soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Pour toi je dois soulever la coupe. Soulever la coupe, je dois soulever la coupe, je dois soulever la coupe. Pourquoi je dois soulever la coupe? Soulever la coupe, je dois soulever la coupe, je dois soulever la coupe. Pourquoi je dois soulever la coupe? Elle m'a donné sa bénédiction. Elle m'apaise comme un cessez-le-feu. Je veux exaucer ses vœux. Le soleil, la lune, décrocher les deux. Dans le brouillard, on a passé tant d'années. Je me rends compte que ma mère est légendaire. C'est elle qui m'a toujours dit laisse les gens parler. Et s'ils sont mauvais, laisse les gens faire. Dans ce paysage gris, c'est mon coin vert. Jamais loin d'elle, je vais prendre soin d'elle. Elle préférait rire et rester digne. Elle nous a toujours caché ses points faibles. Elle m'a appris à baisser les armes. Coûte que coûte, je vais la rendre fière. Je vais sécher ses larmes. Grâce à ma réussite, je vais enfin lui faire prendre l'air. Je dois soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Pour toi je dois soulever la coupe. Soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Pourquoi je dois soulever la coupe? Je dois soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Pourquoi je dois soulever la coupe? Pourquoi soulever la coupe? Soulever 100% rap français. C'était l'invité de Planète Rap cette semaine entre 20 et 21. Cayenne, ça sort lundi. Voici le morceau Grizzly dans la nocturne. Écoute, j'y te frappe dans ces moutons tchatch. Ça vient de Ripa et pas du Kansas. C'est Cayenne qui rappe, fait entrer les sables. Et les billards vont choquer dans le sas. La drogue t'en a servi, t'en a acheté. On t'envoie plus au Heps, on t'envoie en HP. Tu vises les grosses thunes, tu te brises les rotules. Pour nourrir ta mif, construire une baraque dans le sud. T'as pris contact avec Lily. Arrive de speed comme un R8 sur la piste. Ici, on kiffe les prises de risque. Cheat, miss, à quoi es-tu prête pour le beef? Tu t'es fait péter sur une commission, c'est dommage. Trois ans plus tard, on t'a zappé comme un hommage. À peine tu sors, tu retournes au jetard. Il reste que ta mère pour venir te voir au parloir. Prends des risques, prends-les par dizaines, comme la poteau Rizlaine. Les mouches te bouffent des pattes, mais s'habillent en diesel. Dans l'industrie du scuddy, y'a v'là les traves déguisées. Paraît qu'en face, y'a les grizzlies, on m'a dit Cayenne brise-les. Écoute, j'y te frappe dans ces moutons tchatch. Ça vient de Ripa et pas du Kansas. C'est Cayenne qui rappe, fait entrer les sables. Et les billards vont choquer dans le sas. Écoute, j'y te frappe dans ces moutons tchatch. Ça vient de Ripa et pas du Kansas. C'est Cayenne qui rappe, fait entrer les sables. Et les billards vont choquer dans le sas. Tu veux te faire de l'or, devenir le trompeur. Mais ça flingue dehors, mais t'as tenue de combat. Tu te prends la tête pour des putes ou pour des traîtres. Qui n'en valent pas la peine, fais le juste pour les SNL. Ici on n'a rien vu, rien entendu, ça c'est clair et net. Ils lancent basson partout dans la rue, donc faut faire bellec. Faut faire bellec, ouais, ça c'est clair et net. Ils lancent basson partout dans la rue, donc faut pas fermer l'œil. Ça devrait donner le déclic, au moins donner des claques. Même si Paris semble magique, les mêmes magiciens s'éclatent. Celui qui semblait être passif, c'est le même maintenant qui t'éclate. T'as vu la vie, c'est tragique, on n'a pas tous les mêmes teucards. Écoute, j'y te frappe dans ces moutons tchatch. Ça vient de Ripa et pas du Kansas. Cayenne qui rappe, fait entrer les sables. Et les billards vont choquer dans le sas. Écoute, j'y te frappe dans ces moutons tchatch. Ça vient de Ripa et pas du Kansas. C'est Cayenne qui rappe, fait entrer les sables. Et les billards vont choquer dans le sas. Paré qu'en face, y'a des grizzlies. Cayenne brisée. Paré qu'en face, y'a des grizzlies. On m'a dit Cayenne brisée. On m'a dit Cayenne brisée. Paré qu'en face, les grizzlies. La rue c'est gang. J'te parie que si j'pète le rallye, je reste fidèle à moi-même et à nos herbes magiques. C'est pour les restes de ma team, de Mariam à Bintou. Y'a comme des airs de classique. Génération nique tout. Et ouais, on traîne en bas, mais on vise le haut. J'écris quelques rebats et on quitte le zoo. Le rap fait une crise de foi. Depuis qu'Y et W vous font des crises de flow. Yoni Willy, Willy Yoni. C'est la ZS au mic. La nocturne 100% rap français, Cayenne, ça sort lundi. C'est la nocturne sur Skyrock. Avant d'attaquer ceux qui ont squatté le top cette semaine, on va vous la mettre. On va écouter un morceau de Despo. Je l'ai promis ce soir dans Planète Rap. Le morceau de Despo, Routi. Il s'appelle Débat, il arrive. Et après on se fait un petit point sur le top, ceux qui ont cartonné au top cette semaine. C'est 100% rap français, c'est 100% la nocturne. Vos messages, balancez le hashtag Skyrock, le 41759 par SMS. 100% rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Oh, Baba est réélu, mon frérot. Est-ce que ça veut dire que tu peux te balader sur les champs à poil, prendre de l'argent dans la drogue et ne jamais aller en prison? Tu crois ça, frère? La daronne était une lionne et ramenait la viande quand le daron disparaissait. À ce qui paraît, l'amour s'attrape qu'une fois comme la paresse. On fait la guerre entre étrangers pour changer. Je suis peut-être sorti avec des maghrébines partout du danger. Tu balances tes poids, t'as pas d'éthique. Les rappeurs imitent les mafieux imitent les politiques. Rester calme, faut vraiment le vouloir. La France est technique, elle a fait aux musulmans le coup du foulard. Pas de burqa, pas de hijab, je vais abuser, mais faut vous méfier. Ils veulent peut-être continuer à jeter les formes des filles de leurs ouvriers. Comment faire rêver les jeunes sans air, oui. Une femme infidèle blesse l'orgueil de l'hétéro comme les hémorroïdes. Faut que les prénoms d'esclaves, appelle-moi Assou. Azaïrois qui s'appelle Pascal, c'est un Irakien qui s'appelle George W. J'ai été le spermatozoïde le plus rapide. Je pense que la bague de mariage est l'anneau gastrique de la bite. Je provoque les débats. Va tirer dans les pas. Plus en vrai qu'une bouca. Quand tu perds ce que t'es trouvé, j'ai mon instinct comme bourré. 5 sur 20 à l'école. 10-10 en coach. Plus en vrai qu'une bouca. Quand tu perds ce que t'es trouvé, j'ai mon instinct comme bourré. J'étais bourré, j'ai mis une droite à un mec, je crois avoir fait le bien. Jésus a dit qu'il fallait boire du vin et distribuer des pains. Pas de disque d'or mais beaucoup d'ethnies s'évadent avec mes récits. Et puis merde j'ai fait des gens me jalouser. Ça veut peut-être dire que j'ai un peu réussi. T'es presque parfaite mais t'es sur la sellette si tu me mets une douille. Te laisse pas faire frérot, y'a que les squelettes qui n'ont pas de couilles. On fait du sale parce que l'existence est une pulcra. Tellement la merde que quand les fans me croisent ils me disent j'imaginais plus grand. Je joue pas les John Gotti, les Youves, les Killers, les Kuma. Mais j'ai déjà fait ce chez-tu des mecs qui faisaient de tête que plus que moi. Quand faut bouger pour moi, poteau t'apparaisse mes fesses. Rap game, un petit blackos au gap de carrosse tes fesses, caresse tes fesses. De nos jours le pilon s'égaisse, on est passé à la séquesse. D'autres pour un coffre séquesse, et tout des dégaines de séquesse. De déranger, je m'arrêterai jamais. Je ramène de la controverse comme la kippa de Jamel. Je provoque les débats. Va me tirer dans les pattes. Quand tu perds ce que tu trouves, j'ai mon instinct comme voué. 5 sur 20 à l'école. 10-10 en coach. Plus en fait que tu craves. Quand tu perds ce que tu trouves, j'ai mon instinct comme voué. Despo dans la nocturne, 100% rap français. Allez, un petit point sur ceux qui ont squatté le top cette semaine. Évidemment, Booba avec son album Duke, Lino, Cynic derrière, Sadek, TSR Crew. Yeah. C'est la nocturne sur Skyrock. Ça fait. Ça fait. Hey. Je parle de botanique, de crime et d'arnaque. Nec complet, noir, faucheuse comme le Dark Knight. Couplet sale, violent, jusqu'à la moelle osseuse. Ton verre, c'est la grande versus la petite bosseuse. Picasso sous crack, image défigurée. Gros Kamasutra, le cul du rap est fissuré. J'ai l'arme en rude, cette pute a envie de tirer. J'ai perdu l'arme en route, pas le vide à tirer. Musique émasculée, prise dans la masse de tubes. Comme quand Edouard en main d'argent se masturbe. J'suis miraculé, j'rappe, j'épouse bien où j'vais. Le soleil pionce, la lune devient ma lampe de chevet. Jaune, violet, vert, mon côté militant et sceptique. Dans ma tête c'est les Lakers contre les Celtics. Toujours personne après nous, là j'm'écarte la norme. J'fais le contrôle des naissances au 44 Magnum. T'as compris le message, on est de la même race. Fusée noire, Jesse Owens face au 3ème Reich. Et quand j'ai l'étoffe, j'ai le cran aux appels d'offres. Réponse, j'écrase des verres sur le crâne. Mazel tov, chante du crâne, la masse proteste. J'ai foiré tous mes examens, je réussis l'alco-test. Le monde est déjà mien, t'es sur une fausse piste. Tu veux que je passe ta main, mais y'a plus que des puceaux avec la chaude pisse. Sans personne au quartier, j'ai fait le tour de leur tête. J'arrive chez eux 6h du mat avec la tête de leur chef. Même pour acheter du plaqué, t'attaques le cours de leur baisse. Ils veulent rivaliser, négro, ils font de leur baisse. Rien à gratter sauf maladie, j'ai fait le tour de leurs fesses. SGP à for life, j'ai fait le tour de leur texte. Si je les mets pas à poil, ils vont retourner leur veste. Les rugbys vont t'allumer, ils vont pas regretter leur geste. Je vais tellement t'enculer, tu vas détester le sexe. Le négro nous a quittés, je me suis fait tatouer le 7. J'suis sur le calme pendant que vous lisez l'express. J'tire sur les fils de pute, toi tu veux sauver l'espèce. Il en restait beaucoup trop la dernière fois que j'ai check. Fuck être un lyriciste négro, j'suis là pour ramener l'échec. On s'attaque pas au convoyeur avec un 504 break. Dans The Wire, t'es Method Man, j'suis le grec. Cloque dans la bouche, m'en vais pas sans la mallette. J'suis dans les niques ta mère, t'es dans les salamalek. Petit coup de crosse derrière la tête, quand t'arrives pas à Yep, tu peux pas me mettre à sec, même si t'es salement Hayek. J'parle Wolof tout direct, j'appellerai pas à l'aide. Genre me Khalis ou Index, je tire quand j'ai pas Alec. J'suis secteur H, j'suis Time Bomb, c'est Athena qui m'allaite. J'vais les BZER, c'est pas Omar qui m'a huette. Français, planète. La nocturne. Je comprends ceux qui prennent de l'herbe pour la cause, car la vie c'est molletonnelle, elle est rose ou pleine de merde. Pas méchant, je rêvais d'un monde à mon goût. Mais si je tire comme Oscar, je prendrai mes jambes à mon cou. J'affronte la vie comme un deuil, je fais des demi-cauchemars parce que je ne dors que d'un œil. Au cœur d'un monde qui fait peur, je vois les sœurs qui portent plainte. Les violeurs partent au taf aux heures de pointe. Pas dans un rôle de cinoche, la vie c'est fort, mon déo, beaucoup trop longue et si moche. Entouré de profiteurs, homicide ou crime d'honneur. Auditeur, bienvenue dans mon film d'horreur. Dans ma tête je les emmène, la gamberge. Mes amis, mes ennemis, mes amours, mes emmerdes. Une partie de blackjack, dans un monde où les potos meurent plus vite que les photos sur Snapchat. J'suis au bout de ma life, à deux doigts de craquer. J'suis dans des bails de malade, j'vais tous les braquer. J'suis au bout de ma life, à deux doigts de craquer. J'suis dans des bails de malade. Épuisé de faire semblant, tous les jours les portes se ferment, forcenés, recouverts de porcelaine. S'il fallait tirer un trait à chaque fois qu'un pote part, je deviendrais dessinateur de code barre. Comprenez ma prudence, la police, les prud'hommes. Faut que j'aille voir ailleurs si l'herbe est plus bonne. Mon pilon, ma piscine, pour décor la Corée. Je me fais des visions d'horreur dans ma prison dorée. Convaincu personne même, je mène la vie à Poutine. Le regard noir, toujours en guerre, la routine. Balafré, sourire chum. Enterrer sa vie de garçon, pour nous ça veut juste dire mourir jeune. Une odeur de roussi, alors je plane, tellement de blême dans ma tête. Je mange à planète souci, juste un frère à bout de nerf. En roue libre, Kalachnikov sur le dos, venu pour faire j'suis un bouilli. J'suis au bout de ma life, à deux doigts de craquer. J'suis dans des bails de malade, j'vais tous les braquer. J'suis au bout de ma life, à deux doigts de craquer. J'suis dans des bails de malade, solitaire et traqué. À part mes cicatrices, je ne regrette rien. Boom, flingue, avocat, stop la vie d'Aloca. J'ai fait du sale et j'ai fait du bien. Grosse lasse de Star Wars, rendez-vous au parloir. Ils veulent trinquer à l'honneur de ma fin. Ok, ok, tout ça on verra bien. J'ai pris des coups, j'ai pas lâché le terrain. Bang, bang, bang, bang. L'artiste est l'assassin. J'suis au bout de ma life, à deux doigts de craquer. La nocturne. Résiste ou finis dépressif. t'as fait de l'argent sale, sache que le deal n'est pas un pressing. Nous sommes bien élevés, preuve d'hospitalité. Laxatif dans le coca, propose à boire aux huissiers. Rouge, bleu, jaune, violet, voilà le parfait tableau. T'as un cœur en or, monte la rage pour faire des lingots. Dois-je braquer un pâtissier pour ma part du gâteau? Maman, j'arrête pas de ramer, tu crois que je te mène en bateau? Cherche le beat, passe la nuit léger. Vécu de la street, donne des grands pour greffier. Les petits de la caisse en graisse, ils ne savent qu'encaisser. Vite, vite la caisse, bébé, je te jure qu'il y aura pas de blessés. La daronne m'a dit pas taper. Le quartier m'a dit pas braquer. Amadou m'a dit pas rapper. Et ma meuf veut faire un bébé. Mon frère faut faire des sauts, ma soeur faut faire des sauts. Tout et n'importe quoi, y'a de quoi devenir faux. Mon frère faut faire des sauts, ma soeur faut faire des sauts. Tout et n'importe quoi, y'a de quoi devenir faux. On essaye de survivre et de manœuvrer dans la street. Mon compte en banque fait la gueule, je peux pas sourire dans mes clips. Frérot, je t'explique, on a la dalle, ça peut monter très vite. On rentrait aux galeries Lafayette en faillite, sans même pouvoir nous y payer un slip. Faut graille à santé, boiter la mâchoire, sans briser les nageoires. Plus grave, ce n'est pas un choix. Quand la reste est debout, la morale sera à soi. Prends-toi la tête, ouvre un business. Un resto, une chicha, un taxi, folle, une laverie. Concurrence effacée, aucune politesse. Gros bénéfice, qualité à bas prix. Cherche le beat, passe la nuit léger. Vécu de la street, donne des crans pour greffier. Les petits de la tête s'engraissent, ils ne savent qu'encaisser. Vite, vite la caisse, bébé, je te jure qu'il y aura pas de blessés. La daronne m'a dit pas taper. Le quartier m'a dit pas braquer. Amadou m'a dit pas rapper. Et ma meuf veut faire un bébé. Faire des sauts, ma soeur faut faire des sauts. Tout et n'importe quoi, y'a de quoi devenir faux. Mon frère faut faire des sauts, ma soeur faut faire des sauts. Tout et n'importe quoi, y'a de quoi devenir faux. Tu veux un bolide, t'asseoir dans le VIP. Qu'elle t'appelle mon chou, t'arracher du zoo. La daronne m'a dit pas taper. Le quartier m'a dit pas braquer. Amadou m'a dit pas rapper. Et ma meuf veut faire un bébé. Et la nocturne 100% rap français. Ici je vois du béton, pas d'horizon, pourtant je m'attends devant. Atterrissage à Paris plage, y'a déjà 29 ans, des tasses des flics, c'est la déprime, je suis loin du carré vide. Pas de coquillage, j'essaye d'entendre des vagues au fond d'une canette vide. Il paraît que je deviens tout queuse, pour oublier je rappe tout bleu. Pas de lagon, c'est juste à cause des flics que je vois tout bleu. Pas de fusée détresse, alors j'envoie une bouteille à la scène. On crache des phases malsaines, là où les schlags effraient les pharmaciennes. DSR crew, il est là qu'il demande. On a tous échoué sur les plages d'Île-de-France, trop de défonce, on se débranche grâce à des samples à faire halluciner. Pour ceux qui squattent les banque, achète des complets blancs à l'unité. S'endormir c'est facile mais le réveil sera brutal. La météo annonce qu'il va pleuvoir du sky. Record d'obésité, période d'austérité, trop de série B. On a jeté l'encre sur la feuille pour pas trop dériver. Y'a trop de haine ici donc je prends le M ici, car je vois clair dans vos jeux, les yeux même plissés, vous pourrez même kiffer, on est peut-être les mêmes. Qui sait avec les mêmes idées si on n'avait pas les mêmes clichés. Trop d'échecs saoulés, goûte la quenelle qu'on va trouver. Ça devait mal tourner, de la Courneuve au Val fourré. Trop de départ foireux, dès le départ la roue est voilée. Les écolos aiment me faire des billets, demandent à voiner. Les poignets, la serrer à cause de liens mal serrés. On va régler nos comptes comme le milieu marseillais, Marzerex en rage, pourrait m'en jaillir. Au lieu de porter une cagoule pour aller chez le joaillier, voyez, à force d'être en galère, j'ai pied marin pour un rien, finir en calèche, à toi d'être plus malin. Mon rap, une bouteille à la scène, qu'on jette salement, qu'on taille ce piège jaloux avant qu'on y laisse la jambe. Tant de messages à faire passer, si bien que je compte plus les bouteilles, mais je continuerai la bataille comme certains font pour un bout de terre. Pour une broutille, ça se bousille, pourtant tant de choses restent à bâtir. Moi je vois leur progrès aboutir à un monde entier d'abrutis. Prends pas ton air ahuri, tu participes à la tuerie en faisant preuve d'aucune empathie. Chaque fois que t'achètes à si bas prix, demande-toi qui va en pâtir. À force de vouloir tout gratuit, sur la main-d'œuvre ils vont gratter. Par l'exploitation ça se traduit, consomme plus que la terre produit. On se borne à se reproduire, on pense qu'à se faire plaisir, pourtant je vois les cœurs se refroidir. Dis-moi à quoi ça rime, cette atmosphère aussi aride. Dis pas qu'il fallait que ça arrive, que c'est notre nature d'être avide. Oui, la chute est trop rapide, la bouteille faut que je la vide. C'est pas une thérapie, c'est pas pour être sauvé que j'écris. Et c'est peut-être pour rien que je crie, car je vois toutes nos chances se réduire. À force de rêver d'être riche, on finit par s'autodétruire. Voyez, à force d'être en galère, j'ai fait marin. On jette une bouteille à la scène, et peu importe qui réceptionne. Tant de messages à faire passer, si bien que je compte plus les bouteilles. Ici l'ambiance est trop malsaine, ça devient dur de rester sobre. On a tous échoué sur les plages qui te prend. On jette une bouteille à la scène, et peu importe qui réceptionne. Oui, la chute est trop rapide, la bouteille faut que je la vide. Ici l'ambiance est trop malsaine, ça devient dur de rester sobre. C'est la Nocturne 100% rap français, TSR Crew. C'est sorti aussi cette semaine, la Nocturne, ça continue. Allez faire un tour du côté de Place des Fêtes dans Paris, dans le 19ème, HIB. Je suis ailleurs maintenant sur Skyrock, la Nocturne 100% rap français. La planète rap Nocturne sur Skyrock. Nocturne. Ma rapée, c'est quoi le dé? Yeah. Les gars, je suis ailleurs, les gars, faut que je me tire. Accompagné de mes rails, on se balade sur Belize. Enfile ton pare-balles, les gros, ça peut rétir. J'suis obligé de faire du sale, les gars, il faut que je tire. Les gars, je suis ailleurs, les gars, faut que je me tire. Accompagné de mes rails, on se balade sur Belize. Enfile ton pare-balles, les gros, ça peut rétir. J'suis obligé de faire du sale, les gars, ils font mentir. Approfondir les choses dans mes textes pour vous montrer c'est qui le meilleur. Si tu veux, t'as un dos, mes gars sont là à n'importe quelle heure. Trafic de stupéfiants, ciblés en rouge dans leurs murs. Mon city c'est chaud, demande à mes gros, on vient avec un show. J'suis pas le mouton, juste un berger. J'apprends qu'ils veulent nous doubler, nous sert à rien à part nous baquer. Mon flow vous plaque comme un All Black. Vous plaquez comme un All Black. On passe la vitesse quand t'as calé. J'ai l'impression qu'ils font du sur place. C'est qu'il y a en porte et ouvert sur place. Et au micro, on est à base. Échange de flow comme au caleçon. Et j'veux que ça tourne dans tous les Jackson. Dédicace d'Oumam, c'est fou sans frelon. J'roule un doré et j'me retrouve sur Pluton. Faire du vieux peurin, négro, j'ai plus le temps. Négro, j'ai plus le temps. J'la ken, j'me monte à l'arme d'avion. Yeah. Les gars, j'suis ailleurs, les gars, faut j'me tire. Accompagné de mes rails, on se balade sur Belize. Enfile tout par balle, les gros, ça peut réduire. J'suis obligé de faire du sale, les gars, il faut j'm'en tire. Les gars, j'suis ailleurs, les gars, faut j'me tire. Accompagné de mes rails, on se balade sur Belize. Enfile ton pare-balles, les gros, ça peut réduire. J'suis obligé de faire du sale, les gars, ils font mentir. Cap dans la turbo, chargé de Glock, de 8 de coca. Distribué dans tous les rues de Paname. Certains me veulent trop sauter les étapes. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma Tessie? J'en vois rien de ce qui se passe ici. Tout ça me rend fou, ça m'éveille et douille. En plus de ça, ça fait les mecs cool. Tout ce que je dis est véridique. Comme ton rappeur qui raconte sa vie. Y'a que les vrais qui sachent qui je suis. Pour le tour d'Achille, j'te l'avais pas dit. J'te l'avais pas dit. J'te l'avais pas dit. Moi j'accélère pendant que toi tu ralentis. Yeah. Les gars, j'suis ailleurs, les gars, faut j'me tire. Accompagné de mes rails, on se balade sur Belize. Enfile ton pare-balles, les gros, ça peut réduire. J'suis obligé de faire du sale, les gars, il faut j'm'en tire. Les gars, j'suis ailleurs, les gars, faut j'me tire. Accompagné de mes rails, on se balade sur Belize. Enfile ton pare-balles, les gros, ça peut réduire. J'suis obligé de faire du sale, les gars, il faut j'm'en tire. Les gars, j'suis ailleurs, les gars, faut j'me tire. Accompagné de mes rails, on se balade sur Belize. Enfile ton pare-balles, les gros, ça peut réduire. J'suis obligé de faire du sale, les gars, il faut j'm'en tire. La Nocturne, HIB, 19ème place des fêtes. C'est 100% rap français. Planète rap sur Skyrock. Esprit Noir, Dr Berry's My Life dans la Nocturne 100% rap français. Yeah. Ce soir on sautera les barrières, on mettra pas leur petit ticket. Paraît que je suis noir et mal élevé, que mon équipe est critiquée. Mais fuck, je ne gobe ni leurs paroles, ni leurs médicaments. Cosmopolite, chez nous l'alcool est russe et le bolide allemand. La sape est italienne, la rage est africaine. Ok, raciste, c'est avec nous que ta fille traîne. Ok, je t'explique le jazz, mon père fait pas d'économie. En garde à vue mes frôlonies, moi j'ai le blues des colonies. Ouais j'ai le blues de l'époque où Del Piero menait la juve. J'aurais pas cru si on m'avait dit qu'un jour je verrais la juge. J'parle pas trop au téléphone, mon entourage est sous écoute. Et la vie sans sous dégoûte. Du coup j'ai 2-3 accès, de la taupe qui peut désaxer. Nos poumons sont martyrs, nos cigarettes détaxées. Nos oncles et tantes adeptes du petit grattage. Et nous sa mère, ça me laisse amer. On est tous dans le piratage, mon pote. Mes soucis m'ont forgé, je ne fais que me plaindre dans ma life. Mais quoi que je dise, crois-moi je la kiffe trop ma life. J'ai le contrôle sur mes faits et gestes, yes. Le guide de ma life. Mes soucis m'ont forgé, je ne fais que me plaindre dans ma life. Mais quoi que je dise, crois-moi je la kiffe trop ma life. J'ai le contrôle sur mes faits et gestes, yes. Le guide de ma life. Je souhaite de vivre longtemps dans mes prières sans aiguille dans le bras. Mes rimes je les chauffe dans une cuillère, frère, et je les dis là en bas. Je m'en bats les couilles moi. Tout ce que je veux c'est vivre sans souffrir. Voir les coffres fermés s'ouvrir et pourquoi pas les souvenirs. Et dans mes meilleurs souvenirs, avec les potes on se lâchait. On savait même pas chlasser, s'embrouiller pour des sachets. S'embrouiller pour du bénéf, s'embrouiller pour des petites putes. On avait tous des petits buts et puis les gros des petites buts. Et on s'est mis à grandir, entendu même les grandir. Comprendrait leur place et que les armes on aimerait brandir. C'est la spirale de la cité, moi celle avec un grand C. Où c'est plus dur d'avancer quand fleurit prennent à lancer. Et si la sagesse s'acquiert, bah moi j'ai besoin de saphir. Le soir je marche sur des braises, un peu comme font les fakirs. Eh, je sais pas si au fond on nous prendra comme tel. Si on mourra vieux, si on passera la trentaine, mon pote. Mes soucis m'ont forgé, je ne fais que me plaindre dans ma life. Mais quoi que je dise, crois-moi je la kiffe trop ma life. J'ai le contrôle sur mes faits et gestes, yeah. Le guide de ma life. Mes soucis m'ont forgé, je ne fais que me plaindre dans ma life. Mais quoi que je dise, crois-moi je la kiffe trop ma life. J'ai le contrôle sur mes faits et gestes, yeah. Le guide de ma life. Je suis l'architecte de mes erreurs. Tu fuis quoi que je fasse, je suis à zéro. Je suis architecte de tes erreurs. Quoi que tu fasses, t'es à zéro. Mes soucis m'ont forgé, je ne fais que me plaindre dans ma life. Mais quoi que je dise, crois-moi, je la kiffe trop ma life. J'ai le contrôle sur mes faits et gestes, le guide de ma life. Mes soucis m'ont forgé, je ne fais que me plaindre dans ma life. Mais quoi que je dise, crois-moi je la kiffe trop ma life. J'ai le contrôle sur mes faits et gestes, yeah. Le guide de ma life. 100% rap français, planète rap. La Nocturne. C'est la Nocturne, Tirgo. L'album sortira 18 mai, Perfect Evolution. Plus t'es gentil, plus les gens. Le morceau Délinquance maintenant. Coupable, je veux pas plaider, je sais que personne viendra m'aider. J'ai vendu de la PR, je veux pas vendre de rêve, je suis cédé. Qu'est-ce que j'ai encaissé? Je me dis que mon avenir est décédé. Je suis toujours pas décidé. Dans ma tête, j'ai trop d'idées. Ça fait 7 ans, je rappe en indé. Personne ne m'a félicité. La rue c'est la réalité. Tu veux sombrer, t'as qu'à y rester. Tellement on a trop bugué, on se regarde et on finit par se détester. Tu veux prendre sa main, mais sa daronne elle a contesté. T'as trop bugué, à la fin t'as fini avec ton JB. T'inquiète, c'est rien, un bonhomme il finit par se redresser. On n'a jamais changé la rue, elle nous a trop bien dressé. Tic tac, tire, tire, moi j'bug et le temps avance. J'suis pas là pour rien en France, faut que j'y laisse ma trace ou mon anse. J'rêve d'une belle vie en vacances, mais j'suis dans une mauvaise carence. Faut pas se fier aux apparences, désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Plus t'es méchant, plus les gens vont avoir peur de toi. Mais dis-moi, ça sert à quoi? C'est vrai que la hagra, non, ça paye pas. Tout le monde veut de la peufa, tout droit sorti des Pays-Bas. Short ma mixtape, j'te le dis là, on compte sur un miracle. Rafale comme en Irak, les petits à 12 puis j'y braque. T'es corrompu comme Chirac, si tu t'en tires, ouais, c'est que t'as de la chatte. Serre-moi un verre de cognac, moi la vie elle m'a fait trop mal. Là on bombarde dans RS4, dans le rap on est venu les traumates. Oh mat, t'étais au max. Après notre maudit passage, ils te surnommeront Fantomas. Dans la cage d'escalier, j'ai jeté le détail, mais pas l'alias. D'abord, il faut mettre bien la daronne, après, tu peux parler de palace. Ok, tic-tac, tire-moi, je bug et le temps avance. J'suis pas là pour rien en France, faut que j'y laisse ma trace ou mon anse. J'rêve d'une belle vie en vacances, mais j'suis dans une mauvaise carence. Faut pas se fier aux apparences, désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. Désolé maman, j'ai sombré dans la délinquance. La Nocturne. Crix dans La Nocturne, 100% rap français. C'est la Crix Family. Ah mais oui. En attendant le coup, la mais Timo Prod. Ah ah. Ah ah. Ah mais oui. Franchement, va dire à tout le monde qu'on est juste venu pour les déstabiliser. Agent 4 sur le raté, les bosseurs, les quêteurs ont déstabilisé. Déstabilisé, les petites robitesses auraient pas dû lisser. Les cons dépassants vont être banalisés. De la France à Télé, elle a couché à l'Elysée. Ah, je sais pas pourquoi ils parlent tous. Le rap français, une grande part toute. Il faut les blinder, mais ils n'ont pas de flou. Validé par tous, validé par Rousse. Oui, oui, je vais péter le million et je me barre d'ici. Igo, Igo, si tu nous envoies des petits, qu'on prépare les missiles. En bas des tours, au quartier, on traîne 7 heures. Des avions de chasse nous font du rentre dedans. World Trade Center, World Trade Center. Je m'apparais tout le gâteau. Je cache la beuh dans ma casquette. J'appelle ça le coup du chapeau. C'est le 9-3 qui m'envoie. Tu racontes ton vécu, ça se voit que tu m'en dois. T'as tes clips, tu mets des thunes, mais tu n'as pas précisé combien tu m'en dois, négro. Je vois qu'à l'équipe dans les parages. Les bleus, les baquets, les bleus suivent des barrages. Je casse pas les barrages, tu carottes, me vesquer au bled pour des barrages. Jamais on juge un livre à sa couverture. Ce mec en zanotti, il a peut-être pas de lit, il a peut-être pas de couverture. Rap de Kaira, rap de vétéran, même si 9-3 c'est trop du cul de la France, aucun pédérant. Poto, j'fume le rap français, j'baisse la mer au vocodeur. J'veux auto et thune, donc j'appelle l'argent et je parle en vocodeur. Du sang sur les phalanges, ouais, négro là tu peux avouer qu'il y a du talent. Nous jamais on balance, même au ramadan tu dois avaler ta langue. Un peu de buzz, ils sont tout contents. Pas grave, mon négro, moi je prends tout mon temps. Y'a qu'avec un million d'euros dans le gamo, je suis une beauté, mon ego, je prendrai du bon temps. Je vais perdre mon temps, tu ne payes pas, on va te démonter. Au quartier, les caves descendent, parce qu'un refrain s'est fait remonter. Faut faire des levées, yeah. Quitte à se faire soulever, yeah. Tu te fais des abdos pour lever, yeah. On fait de la pécane pour lever, yeah. Allez, yeah. Ah mais oui, gros, tu veux cramer le micro. Si dans le rap français ça bibi, tu veux canner le zizra. Ah mais oui, par la street on est certifié. Mams, de la Crips Family. 2015, on revient tout baiser. Brrr. On arrive. Amé, oui. Planète rap, 100% rap français. En une heure, je ramasse la sky roulette. Même pas une pièce. J'ai changé la donne, mais j'ai pas changé d'adresse. Téléfilm de cette putain de caisse. Kennedy est mort dans cette putain de caisse. T'es pas bonne, tu mérites même pas une pièce. J'ai changé la donne, mais j'ai pas changé d'adresse. La vie est brutale, on a retrouvé son corps dans un conteneur. Ta putain de mère est une cougar, elle ressemble à Geneviève de Fontenay. Pas de 9 pouces. Ben rien mon frérot, à part que je les saute toutes. Coutu sombrero, coutu sombrero. Flip la roulette sur une putain de prod de All F. Wagon roulette, en une heure je ramasse la sky roulette. Le survêtement plein de trous de boulettes. Des larmes coulent sur mes pommettes. À 200 sur la corniche en buvette. Pélé, pélé, fil de cette putain de caisse. J'avais pas un dans les poches pour sortir de la thèse. Maintenant on est dans le bloc zère, on est dans le cosmère, on est même en poster. On est en studio, on est en showcase, on est même en concert. Rapper on sait le faire, manier le fer on sait le faire. J'ai dit la vérité, que la vérité sous l'effet du belvédère. J'évite la langue de vipère, j'évite la langue de pute. Ces rebeux m'ont boycott, je me suis rendu compte qu'il ne me manquait plus. Fais les fils de cette putain de caisse. Et mort dans cette putain de caisse. T'es pas bonne, tu mérites même pas une pièce. J'ai changé la donne, mais j'ai pas changé d'adresse. Fais les fils de cette putain de caisse. Kennedy est mort dans cette putain de caisse. T'es pas bonne, tu mérites même pas une pièce. J'ai changé la donne, mais j'ai pas changé d'adresse. J'en ai 22 jeunes talentueux comme Raimi. Pour un rien, ces rebeux m'ont trahi. J'ai perdu mon temps, essayé de m'en sortir. J'ai traîné devant le dé. 12 heures par jour, j'ai fait quelques erreurs de parcours. Père de TN, du shit dans l'ADN. Tout dans la dégaine, le survêtement assorti au KTM. Sacoche à 1500 E. J'pense à mes proches, il me manque plus qu'un peu. J'tire sur la beuh, j'vois que ça buzz de Paris jusqu'à Creux. Caillou, je suis au max, le téléphone fait que sonner. Survêt de la Jax, Degen d'Hollandais. J'tire sur le millefeuille, j'ai le cul posé dans les quartiers sud. Tu m'achalas pour tout ce que j'ai fait, j'ai jamais cessé. On n'a pas de sécu, fais les fils de cette putain de caisse. J'ai cru que c'était mes rayons, ils ont retourné leur putain de veste. French Riviera, que la concurrence reste une pisse. J'ai la tête plus que gazée, j'ai fumé la West Indies. On s'appelle Ous dans la nocturne, 100% rap français. 100% rap français, planète rap. La nocturne. On va pas tarder à attaquer les classiques dans la nocturne, 100% rap français. Ouais. Ah, enfin, il y en a un qui suit, quoi. La guille ferme là. Si j'étais en hiss, même si j'insulterais ta mère, j'te ferais laser. ta meuf c'est toi qui l'aimes, c'est moi qui la gère. Mister Cop, hello. Si je parle chocolat, je parle kilo de shit par rapport, hello. Viens dans mon texte sans peur, je repars à vélo. Chérie, oui, oui, je t'aime, viens boire à vélo. Frais les couilles vite, je n'ai aucune date limite. Voyage de boule en boule, mon crack vient de la Martinique. Easy beef, easy money. J'en ai gros dans le slip, sur la patate, double bonnet. Commissariat, tout le monde nous connaît. Boulogne à Olé, j'te promets, j'te promets. Parti d'en bas, j'avais tout à gagner, rien à faire. On part en couillère dans la street, y'a rien à faire. Argent facile, pute facile, négro fragile. Clip de Corée, Paname, allez, brigade canine. Mais comme au cinéma, on brasse le danger quand il est là. Messieurs les jurés, pardonnez-moi. Si je me crois au-dessus des lois. Si j'étais plus clair, je serais président de la République. Bien sûr je ferais la guerre. Bouton rouge de trois putes de tchèque république. J'abuse des filles car elles sont fragiles. Ah mais je ferai mon fil. Parle dans la tête ton talent d'Achille. Bang, Mister Cop, je vais te mettre la pastille. Les bleus, je les prends dans tous les sens. Comme les gueux ont pris la Bastille. Ouais, ouais, ouais. Quand ce qui dépasse, crois que c'est un jouet. Ouais, ouais. T'es dead comme Cynic, bah bah bah ouais ouais ouais. Jarvis, oulala, dans sous les impacts de balles. Renoir c'est pas du tout nana. Jarvis, viril comme Alain Delon. J'ai le bras long, j'ai la queue longue. Banlieusard comme Alain Delon. Parti d'en bas, j'avais tout à gagner, rien à faire. On part en couillère dans la street, y'a rien à faire. Argent facile, pute facile, négro fragile. Clip de Corée, Paname, allez, brigade canine. Et comme au cinéma, embrasse le danger quand il est là. Messieurs les jurés, pardonnez-moi. Si je me crois au-dessus des lois. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Kilos de shit viennent de la côte, chez nous on dort plus. Chez nous le marchand de sable, sniff de la coke. J'dépense mes dollars en sable, me balade en câble. J'dépense mes dollars en chat et envoie ces connards d'MC en stage. Bientôt on stage à la plage du bled. Faut pas fumer la pipe et la neige à la place du blunt. Dire que t'es du 9-2, raconter que de la merde. Peul, peul, ouvre grand tes oreilles, ferme ta gueule. J'me mêle de mes millions, mes 30 millions d'ennemis. Le taux de NFR est mignon. C'est Bédozo sur le signe. On demande à L.I.M. Love, ni ce qu'il aime. Les beats d'animal sont pissés sur les Schmitt du balcon. C'est Bédozo, t'as bien retenu la leçon. Le son qui met la pression, garçon. On mord tous les hameçons. Fais notre genre de n'importe quelle façon. Les keufs, la tôle, passons. J'm'en bats les couilles de façon. Passe-moi la zèbre et la poisson. Négro, nous énerve pas, trop, trop. Lourde la pression, ça fume à se péter le cerveau. Ok, j'éclate mon bif tant qu'il est hal. Pas d'idole, j'ai la zik, le SNES comme idéal. Des hauteurs, tu sens moins 8 zo. Auteur interprète, représente le bruit et l'odeur. Flot condamné à perpète. Moi j'ai des piranhas dans le bocal. J'ai pas besoin d'un psy mais d'un avocat. Moi j'suis un griot. Amateur de voiture allemande. Essaie pas de mettre à la montre. Tu vas chier par un tuyau. Imprévisible ma génération. J'ai le verset qui bouleverse. Ma diction et malédiction. Le poids du bled sur les épaules. Lyrix déféré au parquet. J'suis en concert au dépôt. J'arrive en balle sans péridural, j'fais mal. Kiffe le son, reste tranquille, fais pas le fan, mythomane, neuf de héros. T'auras pas de pif sans B2O, j'casse les enceintes. Tu passes du 45 au 635. Ouais gros, c'est la PSBO et bim bim. T'as vu que les impacts, les bleus ils parlent bling bling. Pontef, pour le tue le bif, on se lève. On le tue le bif, on crève. Négro bien on rêve, derrière des barreaux. Du sang d'encre entre les carreaux. À part senti trahi dès le départ. Une discipline, un seul maître. J'ai plus grave, j'ai forniqué. Je suis un rat, seul Dieu me jugera. Allez tous vous faire mettre, allez tous vous faire niquer. D'abord sur le bateau, personne ne va crier. À bord, maintenant on représente nos codes postaux. La vie nous tac, boum tchac, j'envoie ton rap à l'hosto. Et je me suis mis à chanter. Mes deux os gravés en or sur mon dos argenté. Le grand Manitou a créé les animaux du monde Talak en leur donnant des formes différentes. Et si on prend les ours par exemple, certains sont énormes et se régalent en mangeant des fruits et du miel. Alors que d'autres sont des bêtes féroces qui déciment les troupeaux. Si Booba appartient au deuxième groupe, celui des bêtes féroces, il continuera à attaquer les troupeaux jusqu'à la fin de ses jours, c'est certain. Alors la seule chance pour lui de rester en vie, c'est de s'exiler dans un endroit où les hommes ne vont jamais et où il ne risquera pas d'être abattu comme une bête malfaisante. C'est la Nocturne 100% rap français, vous l'avez compris, on a basculé en session classique dans la Nocturne pendant les... Une grosse vingtaine de minutes, vos messages avec le hashtag Skyrock 41759, ça arrive direct dans le studio. C'est 100% rap français. La Nocturne. Dédicacé à ceux qui rappaient sur beatbox. C'est pour le N3. Le 20-1. Et tu le sais. Pour le 7-7. 1 pour le Nesby. 2 pour le 7-8. Comme le 91. Laisse-moi kiffer la vibe. C'est pour Meuro. 92. Et péter les watts pour 95. Ouais. Calmement. Hey, 9-3 connection, baba. Husky, bonne mélatitude. Du MIC, j'tire de suite encore titube. Catastrophe, je vais chanter mon petit tube. J'lâche à mes 16 cuts en direct de la boîte le sud. Dans la plaque, 9-4, arrive à Bastille aux Champs-Élysées. Rafale verbalisée, baisse les vides, fais les balisés. Le Val de Marne, mon deuxième pays. J'escalade mon mairie, atteint le sommet, l'abbaye. 94, mousqueton, accueilli avec des projetons. Ce que bon, des combats de bites, déguisent leur chicot sur le béton. Sorti du dépôt, j'remets mes lacets au palais. Y'a pas plus chum, vos balcons, j'm'arrache à la ville du joint. J'vois un le pont. Dédicace au sablier, malgré un manque de respect en boîte. Je reçois un verre dans la bouche et je te couche avec une droite. Donc on est quitte, c'est pour mon équipe des bordières. Bellax, Bibax, la section, des crapulax, petite excursion. À 300 km dans les rêves en forêt, à Forger du Tcherno. Des tripes en carton à la mettre à saison foire et techno. Fuck la techno, c'est de la musique de drogué. Par les lasso contre un portable, mon album se fait troquer. En calèche, les graines du bitume ont fleuri. Évasion à la calèche à freine, c'est pour le D1 à fleuri. C'est pas la Floride, ça frôle la folie. Cagoule brolique, derrière les thunes comme un chien derrière les. Frolic, foulette mais toujours poli, solide à bord d'un bolide. Coup de frein à main avec une handset un peu jolie. Ça tombe pas pour viol ou des coups pérables, que des trucs braves. Voilà mon truc, c'est la chourave avant la picrave. Pour les gros et les petits torses, 94. La gros LFL et une Corse, 94. Ça même avec une entorse, 94. C'est que l'union fait la force, 94. Tension et rapport de force, 94. Arme blanche, monnaie fausse, 94. Charge d'un rhinocéros, 94. Roue arrière en CBR, beau gosse, 94. Cacahuète, balayette, pirouette, besoin de renfort aux alouettes. Tire derrière les volets, ta fenêtre, c'est pas net aux planètes. Maison Alfort, ville et les banlieues limitrophes. Mes rimes défilent, c'est pas du morph, morph, c'est catastrophe. Qui t'offre un tour dans le coffre, coffre, mon CD. En retour de père, mon semi-liberté. La vraie richesse est dans le dîme, corrige ton orgueil. Pense plus à la mort, à l'accueil, dans le cercle. Rien que la deuil, au braquage de la prime, ça accueille. T'as la hit, c'est le mythe. Sert tous ceux qui ont des armées, mais noter les schmitts, c'est le mythe. Et c'est franchir notre seuil par bicêtre. Avec un peu de chance, les martinets font preuve d'hospitalité. Sinon, pas loin, les urgences pour te faire hospitaliser. Électrochoc, scalpel, aussi ils vont te brutaliser. Tout scolarisé à l'école, la rue est vers l'or. Une ville juive, s'alcooliser, fumer, en avoir un grain, finir à ville juive. Devenir la risée, des sales gamins. Détruit par la tôle, la fiole, faire des sales gamins. À la trentaine, se mettre en cavale tout seul, s'appelle la dette. Sur une 103 avec un 12 à pas de 12 d'Enken, yeah. Qui tape un poste, tape une poste. Fais mal au crâne au chef de poste. Y'a pas de barfure, nous ça riposte, yeah. Nous arriverons jamais à la cheville, t'as eu. J'connais, j'vis la rue. Et l'Ozel à Martine, jusqu'à cheville la rue. Sur la N7, accélération. Pour la 9-4, célébration. Moteur bloqué en agglomération. Même les montants freinent. Pas d'amélioration, malgré Sarkozy. Topis sont la rose. pour les cités de Fresnes, et là il est rose. Le 9-4 des foirailles dans le champ, pris en chasse de cachant, attire les grands champs, sous le capot, c'est l'hippodrome de Longchamp. Longchamp. 4 sorties de peau, des étalons et des longues jambes. Yeah. Pour les gros et les petits torses, 94, la groulée elle est fait d'une corse, 94, ça même avec une entorse, 94, c'est que nous on fait la force, 94, tension et rapport de force, 94, arme blanche, pour les fausses, 94, charge d'un rhinocéros, 94, roue arrière en CBR, beau gosse, 94, mon plan fonce comme un zamel, défonce comme le zamal, t'arrives de port de choix, et canunchak ou artisanal, y'a que les montagnes qui se rencontrent pas, la pompe à essence ivry, conduis ton état d'ivresse sur le son, mafia Calfri, 9-4 ton pire ennemi, puis Jacques Mestrine, ça part en vrille, à la cité hoche, les pyramides, Barbus d'Ivry ou de Vitry, ville de communiste, même avec Tati, la vie est triste, toute la jeunesse au Habs, rien que des récidivistes, un hit braqueur, dragueur, même les ripoux et les femmes flics préfèrent bosser dans le secteur, se faire chaîne par leur époux. Criminel pour choisir Gabriel, Jacques Cartier, yeah. Là où ça saute du 4ème étage, je prends la bac, attaque au bélier. Je prends en otage le rap français, je mets mes paroles comme au sol, la sablière, Alfred de Musset. Passe le salam aux cités de Villeneuve, le roi, Saint-Georges ou Bonneuil. Joue pas l'américain, les mecs verront toujours d'un bon oeil. Enferme les chpèves, les poucas, faut les humilier. Tu me dis raf et de nous, tiens, coup de genou pour filier les yeux de nous. Si on bruit entre cités, faites la paix. Le commissariat craint les mettre au bois la paix. Là, les bananes comptent, mais ça baisse tout, même Geneviève de Fontenay. Sucy, Boissy, Neuilly et le Val de Fontenay. J'étais aux eaux de Vincennes pour un parloir sauvage. Je fais les fils, surveille pour Charenton et Limay. Stopper les teintures et la laque, ça fait fort au bœuf aux plaques. Cramer ta poussée chez Watt pour te mettre torse nu au lac. Joue pas le fou, mec, à la Bélec. Quand tu vois marcher seul à Créteil, Soleil ou Bélec. Pour les gros et les petits torses, 94. La groulée, elle est faite d'une corse, 94. Ça, même avec une entorse, 94. C'est que l'union fait la force, 94. Tension et rapport de force, 94. Arme blanche, volée fausse, 94. Charge d'un rhinocéros, 94. Roue arrière en CBR, beau gosse, 94. Pour les gros et les petits torses, 94. C'est la nocturne 100% rap français. On a basculé en classique. Celle-ci, elle est pour deux. 94. Monsieur ROH2F. Bex est dans le building. Carmando Toxique. Tiens, Bex, j'ai un son pour toi, ça va te rappeler des trucs, ça. Ya ya ya. Ya ya ya. C'est la nocturne classique 100% rap français. Vos messages 41759, le hashtag Skyrock. La planète rap sur Skyrock. Tu regardes. Sur disco, micro, on pose notre discours sur beat disco. Miss Point, j'ai ton disque air, Twisco. Fond, on veut tous percer le plafond. Fous de la forme dans mon front, match de mes scars à fond. Et si ça te parle à fond, fous ta radio et dis aux gosses fous qu'il faut foncer pour ses idéaux. Époque silicone, j'ai plus à quel j'aime vouer. Sur qui compter quand je coule ma clique, ma seule bouée. Ma famille, c'est mes sauces, on a sauce pour tout dégommer. Gommer, grosse arnagos, paumé, venu pour trôner. Le bis du siècle, casse de la décennie. Le cas c'est une essaimie. L'affaire qui roule pour l'état, le sémi. La roue à tourner, c'est ma tournée. Tour avec nous, cours avec ton verre. Trinque et vise les tours la journée. La nuit en fond, craque des crânes. Débossir des boulons sur Paname, déroulons tout ce que nous voulons. Rime dégueulasse, des histoires de slash sous flash. T'en donnes pendant deux heures gratuites aux bâches. Tu donnes des styles pour poser sur ma compile. Tu joues l'hostile, mais y'a pas de soulette viril. Rendons le verbe à ceux qui cognent dur. Au-delà des mots, on fera toute la sale besogne. Je peux pas mentir aux jeunes, leur dire que j'ai des guns. Je veux pas non plus qu'ils pensent qu'on peut s'en sortir seul. Calme, posé, les miens en veulent. Violent dans tes rap, écarte-toi et joue, ferme ta gueule. Y'a pas de gangsters dans les studios, y'a que des grandes gueules. Il manque une phrase en hull, hull, hull, ouais. C'est une affaire. Car c'est tout ce qu'on a.

ne veux pas dealer avec le mouvement. Comprends que les enfants de la clinique vont vivre longtemps. Ma vie, ça conçoit avec des femmes et du flic. Ainsi s'achève mon couplet digne d'un mot mystérie. Appuyer pour faire exister tous les mecs du quartier qui se la racontent rappeur. Ma destinée à moi c'est Ministère Hammer. Alors kiffe nos solos et ferme ta gueule négro. Je suis aigri comme le grit à Chico. J'ai 200 aspects et 50 unités. Je ne fais que serrer et me la raconter. J'ai bluffé des nonnes en pleine prière. Moi j'insulte mon père et j'invoque Lucifer. J'ai fourré mon doigt dans ton intimité. Écarte les cuisses si tu veux apprécier. Ne viens pas chercher le plus grand chien du quartier, j'ai déjà piqué toutes les chiennes enragées. Remonte ton froc quand tu sors du studio. Pantin pour promo, MC Rapallo. Laisse-moi passer, je suis chiré, je suis foncé. Le rap part en couille et je lui prête mes boules. Moi j'ai le manche et c'est ma femme qui roule. Même à l'envers, si tu ne sais pas le faire, mon enfant va naître et le doc en est fier. Si tu veux pécho, viens voir gynéco. Mon grossiste est virgin, achète en kilo. Kilo. C'est la nocturne 100% rap français, 100% classique pour conclure la nocturne. Monsieur Bex, Kaomando Toxique. Ah, big up. Big up à mon frère Tequila, big up à la tournée de Lino Requiem. Calbo, hey, c'est du lourd. Franchement, rien à dire. Big up à tout le monde et love life. On se fait un petit l'escadrille Kaomando Toxique ou quoi? Bien sûr, pourquoi pas. On y va? On y va. Planète rap, 100% rap français. L'escadrille, Kaomando, escadrille, 6ème show. Sur les balles train gris. Eh, hey, dédicace au 6ème show, non? Attends, dédicace à Vielle Belle, 6ème show, 9-5, tout le monde. Bex, pense à vous, on est là. Roulez! Et hey, si on respecte la rime, donc écoute, ferme ta gueule et reste calme. Ils sont pris ma couille, ce qu'on a déguisé les lames. Soit encore des sommes, rien que des minots. Sale mine déterminée, exterminant les putes, ils ne savent pas encore rimer. Tout le temps qu'on a trimé, pour du sauveur d'un roi. On vient avec des flots poussiéreux, viens pas kicker. Tu tiendras pas un rang, écoute bien le sang. Mélodie sinistre, rap à faire démissionner le presse. Donner l'envie de se pointer à monsieur le ministre. Tu nous vois jeunes, on est là, ça fait des lustres. Bientôt réputé avec notre clique pour les bouchers qu'on illustre. Notre rap, un putain de 187 verbal. Anti-trou de balle, fjord qui joue les rascals. A 5, laisse ton pote, choc ses commandos et l'escadrille. Ce soir, je crois qu'il y en a qui vont tailler en espadrille. Ça part en vrille, on a pas de mancil. Priez le ciel, bonne de balle, train. Si on vous introduit dans le team. Escadrille, ce mort censure, on n'est pas venu pour mentir à sa classe, on sature. Nécrophobe satire, 2-0. Pop et le martyr, escadrille, ce mort une censure, on n'est pas venu pour mentir à sa classe, on sature. Nécrophobe satire, 2-0. Pop et le martyr, Béra, blessé des morceaux de PD, mais bordel, demande à PC quand est-ce que ça va cesser. Et c'est sans PC que de me torcher dans leur logo, ça te compile, c'est l'équipe de France contre le Congo. Boy, si eux ils sont le break, nous on est le pogo. Mais en nous faisant venir, ils savaient à quoi s'en tenir. Et le diapri de savoir qu'ils seront jamais centenaires. Là elle conteneur donc sa mère, je peux plus me contenir. Dédicace à Patou, Stéphane, Neg Marron, Pete Bacardi, Pomertos. Escadrille de quoi, toxique ou ça? Donc ce coup-ci, on ne sait qu'est-ce pour que tu te secoues ça. Alors y'a du niveau ou quoi? Toxique ou ça, frère? En fait, moi je suis venu parce qu'il y avait ça à faire. En clair, ils sont l'été, on est déjà l'hiver. En bref, nous on est demain et eux sans rien. Les bandits augmentent le volume sur le beat, c'est la war. Les balles traînent vont décéder. Ça c'est ghetto superstar. Meurs sur CD, c'est j'ai tout l'effort, tu peux pas plaider. PC, pourquoi tu brailles si personne va t'aider? Le fichier plein de chieurs, fichier. Qui se nique à la ficheur, faucheur, brise, surcharge, les blocs fâchent. Sèche les chiches au mic, chauffe les mecs, chauffe sec. Chaque mousse, une histoire couvre chef. On chope le HF, pécho se mort à l'heure du gré. Premier qui veut test, on fait smurf. Sur un champ de mine, négro, j'rappe pour cette bonne cause. J'rappe avec mes vandales, frappe, qui bouge et fout le scandale. On fait niquer ces putains coups de sandales. Escale au sol, cacro, des bambelles de balles. Garge, Villiers, le bel, anti-trou de balles. Nigmatise en première classe, la ferme cherche des chromes, guette plutôt la trame. Escadrille, ce mort une censure, on n'est pas

grande bande de fachos qui fissent peur en son temps fissi, on laisse couler, on est mort. Coupons les couilles du port. Tout ça c'est fort, mais y'a plus fort encore. Y'a des ex nouveaux ministres grillés qui viennent parler, espérer, lire à la télé, prier, crier leur innocence riée. Pour qu'on oublie que l'histoire du sang contaminé, c'est pour du fric et non pas trier. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner. Faut tout donner, afin de changer les données. 800 de coin, le plan. Le bloc va détonner. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner. Faut tout donner, afin de changer les données. 800 de coin, le plan. Le bloc va détonner. Jazz pour l'afro, change de données. Coup de chaîne pour tout donner. Le R quitte le pour tout donner. R.O.B.O. et la loco, le Glock va détonner. 9-3, c'est arrivé près de chez toi. Presque sous ton nez. Pour un 9-9-8. Non, pas le moment d'abandonner. Faut changer les données. C'est la fin de la nocturne après cette session classique. C'est fini, attends, il y a un moment où faut tirer le sort. Stop, stop, stop. Oh, non. Allez me chercher le blond, s'il vous plaît. Le blond. Pas le moment d'abandonner. Merci pour cette nocturne. Nocturne. Merci d'avoir suivi. Merci pour vos messages. Merci à vous tous. Merci. La famille Rossi était dans le coin. Bex était dans le. Tu fais partie de la famille Rossi, donc Bex était dans le coin. Bex était dans le building. Ouais, ouais. Cécilia était dans le building. Et alors les jeunes filles, elles s'appellent comment les jeunes filles là-bas? Elles sont chanteuses, Chloé. Et Chloé, voilà. Bah, c'était une bonne nocturne. Merci à vous tous d'avoir suivi la nocturne. Où est le blond? C'est moi. T'es où? Ah, le blond remplace Fab ce soir. Donc une dédicace à Fab qui est parti. Parti s'occuper de lui. Le blond, rien là mon blond, t'as pas parlé encore. Ouais. Petite dédicace, t'as pas des amis, des fiancés, quelqu'un dédicacé, vas-y. Bah non, c'est bon. C'est bon, t'es sûr? Bon, t'es chaud pour mixer ou quoi, bon? Mais te tords pas dans tous les sens, là, il est en train de se tordre dans tous les sens, le blond, ça va, tout va bien. Allez, c'est parti. Rap, R&B en non-stop, passez une bonne nuit, prochaine nocturne dans une semaine. Dès lundi, Big Flo et Oli qui débarquent de Toulouse. Ils seront dans Planète Rap entre 20 et 21. Et là, allez, on est reparti. Le son de Skyrock, c'est Eminem avec Stan. Ciao. Skyrock, premier sur le rap.